Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui. Oh là là, oui, oh bonjour, bah quoi. Bah oui. Bah bien sûr. Bonjour, les, bonsoir. Le bien sûr. Le Muppet Show là. Le Muppet Show. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnés. Nos invités aujourd'hui ont fait des vidéos sur Combini avant que les Fast and Curious existent. Ils ont posté des vidéos sur internet avant que le terme YouTuber ne veuille dire quoi que ce soit. À la télé, ils ont rejoint la 8 à l'époque où Cyril Hanouna était encore sur la 3, où il présentait Facile à chanter. C'est vous dire à quel point c'est une très grande époque. Ils ont fait 192 Very Bad Blagues. Je suis un dinosaure de la télé. Ils ont fait 192 Very Bad Blagues sans que personne ne questionne le titre Very Bad Blagues. Ils ont fait 4 prime time, un film de guerre, et ils reviennent au cinéma le 9 février 2022 dans Les Vedettes. C'est David Marseille et Grégoire Ludig, le palmachin. Ah, merci. Salut! C'est bien présenté. Ouais, la date est placée, le titre du film. Là. Ouais, non, c'est carré, bon. La promo en fait est déjà impeccable, là. Voilà. Impeccable, tout est fait. Maintenant on délire les mecs. La promo c'est bon, c'est fait. Maintenant c'est fun. C'est l'émission délire. Là, maintenant, allez, ouais. On va appeler des petits canulars. On va appeler les hôtels et passer des mots. On va te faire enculer. Tu dis ça. Tu le cases à un moment. Mais tu sais, c'est libre, tu peux le dire. Délire. Tu peux le dire. Écoutez avec plaisir. Une émission de déglingo. Ah ouais, non, mais ça fait du bien quand même. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, loin des beaux discours, des grandes théories. J'ai bugué. C'est Adrien Méniel. Ouais, bravo. Voilà, oui. Je changeais la vie un peu. T'as changé la vie. Ouais, ouais, mais je comprends. Comme sur son saxophone. Jean-Jacques Goldman. Oui, Jean-Jacques. Ah, bien sûr. Adrien Méniel, qui est en lien avec l'actualité de nos deux invités. Ah, complètement. Tout bah, ouais, fait. On ne parle que de lui. Ouais, ah, oui. C'est vrai. Toutes les avant-premières. Avec cette tournée d'avant-première, on ne parle que d'Adrien Méniel. Le petit partouzeur au clavier, comme on l'appelle. Adrien, c'est pas loin. Son personnage est un partouzeur, selon Adrien. Non, mais je trouve qu'avec. Parce que j'avais le crâne rasé, qui est déjà un truc de partouzeur un peu. Un peu, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Tu te rases le crâne, c'est que t'es un partouzeur. T'envoies un message en tout cas. Vous êtes un partouzeur. Oui. Oui, tout à fait. Ça peut être ça, mais bon, c'est pas forcé. Mais... Et puis j'avais la petite boucle d'oreille. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui l'as demandé, je crois. C'est moi qui l'ai demandé. Petit détail qui t'a allé au bout du partousage. C'est comme Marvel, il veut le petit spin-off sur son perso. C'est ça. Et une veste à paillettes. Je tiens à préciser, la veste à paillettes. La veste, bah voilà, là, tout, la tout, veste. Tout fonctionnait en fait. Voilà, l'attirail du partouzeur. Mec du showbiz un peu et tout. Bon, tu dis, allez, c'est bon. Mais d'ailleurs, tu es au générique à ce nom-là, je crois, partouzeur. Adrien Partouzeur Méniel. Partouzeur Méniel. Partouzeur Méniel peut être. Il a le même nom que son perso, putain. Ouais, ouais, ouais. Bon les gars, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à vous, merci surtout. Alors Les Vedettes, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Daniel et Stéphane qui décident de participer à des jeux télévisés pour rembourser leurs dettes. Et à partir de là, moi je veux pas trop en dire plus pour pas spoiler, mais ouais, le titre annonce la couleur, puisqu'ils vont peut-être devenir un peu connus. Même si vedette, c'est-à-dire célébrité, mais moi dans mon patelin en Bourgogne, vedette c'est aussi un peu les. Pas des blaireaux, mais un peu. C'est un peu ce but-là mais aussi. Mais c'est complètement un titre ambivalent. C'est ça, c'est comme ce la sens-là. C'est ce sens-là. Les vedettes, enfin, le titre a ce sens-là. C'est ah bah tiens. Ah bah voilà les vedettes. Ah bah voilà les vedettes. La Spalès. Ah, il y a des vedettes. Ah, ah, moi j'ai fermé les yeux, j'y étais. Non, faut prévenir les éditeurs, la Spalès n'est pas entrée. Non, c'est pas un son qu'on a déclenché. C'est avec mes propres cordes vocales que j'ai fait ça. Et donc comme d'habitude dans le podcast, on va commencer par faire le tour de ce qui se passe dans le monde. Mais vu qu'aujourd'hui on vous reçoit pour parler du film, c'est surtout des news autour de la télévision, parce que ça se passe beaucoup autour du monde de la télé. Ouais, tout à fait. Ou alors en lien avec ce que vous avez pu faire. Ou la partouze. Ou la partouze. Un peu non aussi, mais pourquoi pas, on peut ouvrir à la partouze. C'est beaucoup lié quand même, je crois. Cru entendre des trucs. Bim, la téloche. Non, mais... Pavé dans la mare. Ah, je non, juge pas, juste... Attends, on le dit les trucs, voilà. Il y a pas de mal à partouzer, je pense. Je pense. C'est... Oui, mais ça c'est ton petit slogan, je crois. Baiser. Ouais. Il y a pas de mal, je crois. Il y a pas de mal à baiser. Enfin, j'imagine. Bah on est... Quoi, on nous enlève ça aussi? On peut faire ça. Ah ouais, d'accord. Donc dans Les Vedettes, Daniel Stéphane participe au prix à tout prix. Oui. Donc une sorte de juste prix. Est-ce que vous savez dans le premier numéro, parce que ça vient des États-Unis, ça date de 1956, c'est ce qu'on pouvait gagner au juste prix. Quel est le premier prix qu'on pouvait gagner au juste prix au tout début? Non, c'est un truc un peu farfelu. On peut dire le terme farfelu. Ah, donc, farfelu, on a le droit. Est-ce qu'on parle un grille-pain? Non, c'est un truc un peu fou. C'est un lot. Ah, c'est un lot fou. C'est un lot. C'est un truc. C'est pas de l'argent. Qu'on gagne, non, c'est pas. Bah, le juste prix, enfin, le prix à tout prix, c'est des, tu gagnes les objets en devinant le prix. Les objets de et c'est un truc un peu foufou. Un truc un peu foufou. Ah, qu'est-ce que voire dingue, hein. Ah, voir ouais, d'accord, voir des glingos, c'est pas ouais, pareil. Ça peut être des glingos. Alors, non, si mais, c'est des glingos, je dirais. Un objet des glingos. Ça peut être un aspirateur sans fil. Bah, une arme. Flaubert, un Dyson. Ah, une arme, c'est pas con. C'est vrai que j'ai un Dyson que je peux utiliser comme une arme. Voilà. Ouais. Non, alors tu disais, j'ai entendu une arme. Ouais, c'est pas une arme. Un arc, non. Pas une arme, mais on est dans le milieu. Quelque de... chose qui peut blesser. Un katana. Non, mais là. Putain, j'ai pensé exactement la même chose. J'aurais trouvé ça génial. J'imagine le mec mais qui c'est possible. Première émission. Katana. Une perche. Une perche de soie à la perche. Non, ça n'a rien à voir avec non, ça. Non, non, c'est un truc. C'est un beaucoup javelot. Plus encombrant. Parce que. Ah. Si vous vous souvenez. Enfin, d'ailleurs. Un gorille. Même, non, mais tu te rapproches. Dans un animal. C'est un animal. Un chien. C'est un animal. C'est pas un chien. Un poisson. Non. Un hamster. Un aquarium. Un animal. Un mammifère, Florent. Je sais pas. Il sait jamais. C'est pas ce qui est dans... Le running gag dans l'émission, c'est que je ne sais pas ce qui est dans la famille des mammifères. Alors, ah bon, je crois. S'ils ont des gougouttes, c'est des mammifères. Mais je sais pas s'ils ont des gougouttes. Bon. Non, ça a des gougouttes. C'est des gougouttes. Un tigre. Non, pas un tigre. Une vache. Non. Un lion. On s'approche. On s'approche. Un mouton. Non. Une brebis alors. Non. Attends, un cochon. Bon, on y est presque. Attends. Un sanglier. Attends, c'est un truc. C'est un truc lié aux States un peu. Un bison. Non, mais les States peuvent l'utiliser partout dans le monde, c'est pas que aux States. Mais ouais, les mais States, ça, ça sont dans le risque. Non, non, ça va pas t'aider. Non, non, non. Une vache. Je vais vous le dire. Un poney. Un cheval. Un cheval. Ah, okay. On pouvait gagner un cheval. Alors, pas c'est... qu'un cheval. Bravo. On se check. T'inquiète pas. 1200 putain. Points. Allez, la première question. Je les prends. C'est très rapide. Donc, il devinait le prix d'un cheval. Voilà, une touze. Voilà. Là, alors, c'était pas gain. Que un cheval, c'était un espèce de package. Tu gagnais un cheval, voilà. Une armure. Donc, c'est pour ça que quand je disais une arme, on pouvait génial. Pas loin. Une armure. Et un voyage en Écosse pour visiter le château. Un voyage en Écosse pour visiter le château d'où provient l'armure. Je crois que ce jeu était beaucoup plus intéressant que notre juste prix. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant. Tu gagnes une armure et tu vas dans le château en Écosse. Moi, je joue. T'es obligé de porter l'armure par contre, pendant dans l'avion et tout. Avec le cheval, c'est très encombrant. Tu sonnes au portique. C'est faut. Enfin, ouais, ouais. Faut l'avoir quand même. C'est chiant si t'es en appart. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Si t'as un deux pièces à Paname, c'est un peu relou. Mais il y avait d'autres bizarreries qu'on pouvait trouver dans le juste prix, parce qu'ils ont, vous pouviez gagner un sous-marin à une époque. Un sous-marin. Une grande roue. Genre un sous-marin nucléaire. Vraiment, je sais pas, un sous-marin. Un truc de l'armée. Un lance-flamme. Une grande roue. Donc à mettre dans le jardin pour les enfants, je pense. C'est mais... génial. Tu vois ça nulle part. Hein. Et alors dans les autres animaux vivants, il y a eu un bœuf aussi à un moment. Alors c'était pas très de bon goût parce que c'était tu gagnais un barbecue avec un bœuf vivant. Oui, ça c'est un peu moyen ça. Ouais, c'est un peu limite. Bah, les mœurs sont évoluées, Greg. Attends. Non, mais attends, y a pas de souci. Je sais, on évolue. Avec et tes tout. Yeux d'aujourd'hui, mais à l'époque. Pas faux. T'as raison. Non, mais t'as raison. Non, mais je me permets. Non, mais tu fais bien. Ou bien un paon vivant. Alors pourquoi un paon? Parce que le juste prix était diffusé sur NBC et à l'époque le logo était. C'était un paon. C'était toujours un paon. C'était un paon. Donc voilà. C'est un paon de notre histoire. Oh là là. Il est bon. Mais tu jongles avec les mots en fait. PMC Solar. Je préfère dire que je boxe avec. Ah oui, voilà, non mais d'accord. Greg et David, est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs comment vous est venue l'idée de ces deux mecs qui décident de participer à des émissions, dont du coup le juste prix? Il y a des émissions un peu connues dans le film, mais c'est jamais les vrais de vrais. C'est un peu comme les Simpsons, vous reprenez un peu. C'est exactement ça. C'est une bonne référence. On est entre réalité et satire. C'est donc, parfois on a l'impression d'être vraiment dans notre monde et parfois on se dit non, ça n'existe pas. Mais même dans les marques d'ailleurs. Et exactement. Voilà. Mais justement, le prix à tout prix, c'est l'idée de départ du film. En gros, on avait écrit avec Grégoire pendant 5 mois un braquage dans un centre commercial. Mmh. Voilà, super idée. Vraiment génial. 5 mois d'écriture. Elle valait ce qu'elle valait. Voilà. 60 pages dialoguées. Super. Ouais. On le présente à Jonathan Barret, comme on fait à chaque fois, qui commence à lire et je crois que vraiment au bout d'une demi-page. Oui, très rapidement. À Extérieur Jour. Oui. Nul. Les gars, je crois que c'est nul. Et nous, de répondre, mais oui. C'est vrai qu'on le voyait lire, on se disait, mais pourquoi on écrit ça? Tout s'est écroulé en quelques secondes. On avait besoin d'écrire, je crois, à ce moment-là. Et donc voilà, on jette lancer tout. Lancer la machine. Ouais, c'est ça. Ouais, il fallait un peu huiler le truc. Les non, pistons, là. Ça rouille. Bon, suite à ces métaphores de bagnole, après, Jonathan nous dit c'est un peu compliqué, vous devriez partir d'une anecdote, d'un fait divers, c'est souvent plus simple. Par exemple, moi, en venant, j'ai vu qu'il y avait un Américain qui a appris par cœur tous les prix des appareils électroménagers pour passer au juste prix américain, The Price is Right, parce qu'il avait remarqué que les prix ne changeaient pas. On a trouvé ça fascinant. Ouais. On a trouvé ça fascinant. On s'est dit pourquoi, quelles sont ses motivations, qui est cet homme, pourquoi le mec veut absolument tout gagner, gagner tous les objets, pourquoi est-ce que le mec veut passer à la télé. Donc ça traduisait d'un certain besoin de reconnaissance dont on avait envie de parler et dont on parle souvent dans nos sketchs aussi. Bien sûr. Et à partir de là, on s'est dit ok, bon bah ce personnage, un mec qui veut absolument, qui connaît tous les prix, c'était un point de départ. Et après, en fonction de nos habitudes d'écriture avec David, ce côté un peu dominant, dominé qu'on peut avoir, ouais, dans les sketchs, le côté rapport de force ou qu'il y a même dans certains films, comme les films de Weber avec Depardieu ou Pierre Richard, on s'est inspiré de ça, puis on s'est dit, ok, on donne le côté contrôle fric à David, ce qu'on fait assez souvent, le côté un peu plus parce bourru, que je suis dans la vie aussi, hein. Oui. Parce qu'il est complètement, hein. Le côté un peu plus bourru, un peu plus bourrin de Daniel, et voilà, on s'est dit, ok, on va donner, on va écrire ces deux personnages. C'est ça. Et, mais c'est marrant ce que vous disiez dans le dernier Floodcast, que vous feriez pas des trucs adaptés de vos personnages des sketchs, oui, mais vous reprenez quand même des mécaniques qui fonctionnaient bien. Oui, ouais, oui, oui, exactement. Mais parce que quand on regarde en fait les personnages des sketchs, si on les regarde bien, c'est pas logique qu'ils soient amis. C'est duo. Et donc là, c'était l'occasion de faire la genèse d'un duo. C'est ça qui nous intéressait, ouais, aussi. C'était vraiment de partir de deux antagonistes qui n'ont absolument rien en commun et petit à petit les faire avancer et se rendre compte que ces deux types en marge se retrouvent dans la connerie. Ouais. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant finalement. Bah ouais, non, c'est grave cool. Moi, j'ai vu le film et voilà, je le conseille aux gens. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'y suis allé parce que j'étais le plus sain d'Adrien et Adrien n'a pas réussi à venir. Ça, c'était quand même une sombre histoire de métro. Ouais, une sombre histoire de porte de bagnolet à l'envers. T'as fait cette erreur qui est encore possible. Tu l'as. Non, c'est pas ça. Non, tu l'as pas pris à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé, non, Adrien? Non, j'ai... Ah, non, juste, il y avait pas de métro, quoi. Ah oui, c'est ouais, ça. Il y a une ligne, en gros, c'est la 11 à côté de chez moi. Putain. Et c'était bloqué. Petit indice pour les fans, si vous voulez le trouver, où est-ce qu'il habite. Elle est assez longue. Mais je t'ai acheté à j'ai pas vu. C'est là où j'habite. C'est exactement là, mais on bip pas ça. Non, mais en fait, en plus, c'était une période où ça allait pas fort, je peux vous le dire. Et je me suis dit, allez, ça, tu vois. Ça va te mettre un petit coup de boost. Ça va me rebooster, ça. Bien sûr. Donc, j'étais bien à l'heure, même en avance et tout. Et donc, et j'avais pas d'autre choix que de prendre la 11. Et donc, je descends et au bout d'un moment, ils disent qu'il y aura pas de métro. Donc, je ressors. Putain. Et je dis, bon, qu'est-ce que je fais, machin. Je prends un Uber, je commande. Il arrive et il annule, mais genre juste avant d'arriver. Donc, je fais bon. J'ai fait que. C'est hyper intéressant comme anecdote. Non, mais ouais, non, mais. Non, j'ai pas eu l'occasion de vous raconter. Non. Ah oui, ils sont dit, les gens, ça, ils raffolent ce genre de truc de showbiz. Ah, c'est croustillant, hein. Voilà, non, mais pour dire, j'ai même marché pour aller à la station suivante où ils disaient que ça allait reprendre. Putain, et puis, en fait, pas du tout. Puis voilà, je me suis retrouvé. Ah, mais ça, merde. C'est la méthode Coué. Non, c'est pas ça. Non, c'est la Murphy. C'est mélangé. C'est pareil, c'est la même chose. Ouais, c'est plutôt la RATP, j'ai envie de te dire. Oh, et donc, je me suis retrouvé à faire. La Téloche, la RATP. Non, mais bienvenue, les gars. Faire des allers-retours et tout. Putain, sale histoire. Ah mais ouais, coup... bah c'est de la partout, sauf que c'est toi qui te fais baiser là, j'ai envie de dire. Putain. Et c'est la boucle qui boucle la boucle. La boucle mais du coup, tout t'as pas eu l'occasion de voir le film encore. Non, mais je vais le voir le 8 février. Lundi prochain. Ouais. Lundi prochain, ouais. Non, c'est mardi prochain. Mardi prochain. Mardi prochain. Non, c'est vraiment vachement bien. En plus, tout va bien. J'ai l'impression que les gens le disent beaucoup, donc désolé, on enfonce des portes ouvertes, mais j'ai l'impression que c'est plus intimiste que Max et Léon, enfin même plus proche de. Oui, complètement. Ouais. C'était vraiment un grand spectacle, Max et Léon. Pantin. Ouais, c'est votre show. Non, je dirais pas notre show Pantin. C'est votre inspecteur la bavure. C'est un peu notre inspecteur la bavure. C'est votre serpent aux mille vengeances. J'ai oublié. La vengeance du serpent à plumes. La vengeance du serpent à plumes. La poursuite du serpent à plumes. Ah, c'est le nom de la musique. C'est à la poursuite du diamant vert. Et la vengeance du serpent à plumes. Et oui, et c'est vrai que Max et Léon, on sortait de tout. Ouais, Nicolas Cage. Et on sortait de tous nos sketchs et on avait envie, comme premier film au cinéma, on avait envie de faire quelque chose qui sortait un peu de nos sketchs, donc un film d'époque. Ouais. Donc un film cinématographique, la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, vous parodiez beaucoup les codes du cinéma dans vos sketchs aussi. Donc ouais, du coup, ouais, c'est logique en fait de vous voir là-dedans. Mais on voulait quand même lui donner un côté grand spectacle. Ouais. Et peut-être, c'est plus un film hommage aux films qui nous ont donné envie de faire du cinéma que de raconter au final une réelle histoire. Et dans les vedettes, je pense qu'on s'est un peu plus forcé à gonfler les personnages, à les renforcer, à les crédibiliser, ouais, pour les faire évoluer pendant une heure et demie, ce qu'on n'a pas trop fait dans Max et Léon, où souvent, ce que Jonathan nous disait, c'est que Max et Léon, ils sont souvent filmés à deux. Ouais. Donc ça faisait un peu un seul et même personnage, alors que là, on s'est vraiment dit, on va densifier le truc et créer vraiment deux personnages distincts. C'est distinct. Votre volte-face un peu. Nicolas Cage et John Travolta. Et John Travolta. John Travolta, bien merci évidemment. À tous. Donc, dans le film, effectivement, le personnage de David, encore une fois, sans trop en dire, est assez doué dans un certain jeu. C'est ça. Et bien, dans un candidat de l'édition britannique de Qui veut gagner des millions, a remporté le fameux million, sauf que la production a découvert qu'il avait triché. Ah, oui, avec quelqu'un dans le public, non ? Alors, oui, à votre avis, comment il a fait ? Donc, c'est avec quelqu'un dans le public. Ah, est-ce mais que tu sais tu comment ? Tu l'as lu, ça, Grégoire, tu m'en avais parlé, j'ai complètement Grégoire. Oublié, oui. Grégoire. Grégoire. Ouais. Bonjour, Grégoire. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que les bonnes réponses étaient données par quelqu'un dans le public en fonction du nombre de tout. Alors, très bien joué. C'est quasiment c'était pas ça. C'est genre si. Réponse A, c'était 1. Réponse B, c'était B. C'était très grillé. Ouais. Très grillé. La B. C'est pas la C. C. Parce que le mime, ça ne marchait pas. Bah non, c'est dans le noir. Parce qu'on voyait rien. Bien sûr. Mais c'était, il y avait pas un. Alors, c'est encore un plus grillé que ça. Quelque chose que ça. C'est encore plus grillé que ça. C'est qu'en gros, le candidat réfléchit ça à haute voix en disant alors, est-ce que c'est la B. Alors, je suis peut-être la C. Enfin, voilà, c'était selon ses réponses. Oh la vache. Charles Ingram donc, gagne le million. Il choisit toujours la mauvaise réponse avant de se raviser pour la bonne. Donc, la production est méfiante. En revisionnant l'émission, les producteurs, avec l'ingénieur du son, isolent 19 toux émises par une femme dans le public au moment où Charles Ingram s'apprête à répondre. Qui avait déjà le Covid, peut-être. Oui, c'était ça. En fait, c'est juste ça. Cette femme, oui, c'est ça. Cette femme, c'est Diane Ingram, l'épouse du participant. Donc oui, c'est un ingénieur du son, comme je disais, qui travaille sur l'émission, qui a remarqué qu'il y avait une corrélation étrange entre les bruits de toux dans l'audience et les réponses de Charles. Il y a eu un procès, puisqu'ils ont attaqué justice le couple. Ouais. La meuf, elle avait genre son portable, son téléphone. Oui, parce que ça m'intéresse. Parce que sinon, on voit la fin. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas du une tout. Série télé de ça. Je crois que c'est un téléfilm. Oui, Coupe du Bois et tout, c'est pas ça. Ça oui, n'a rien c'est à bien voir. Ça. Non, mais je crois, pour de vrai, je crois qu'il y a eu un téléfilm sur les tricheries dans les jeux télé. Mais sur celui-là même, exactement. Oui, mais c'est sur ça. Sur oui. Parce que derrière, effectivement, il y a eu un procès assez pathétique quand même, où ils ont quand même essayé de se défendre. Charles Ingram a affirmé avoir pu répondre juste à toutes les réponses, car il a toujours été un très bon élève. Il explique également ne pas avoir remarqué que quelqu'un toussait dans le public lors de son passage. Il était sa trop femme, concentré sur le jeu. Quant aux divagations qui ont grandement perturbé le présentateur, parce qu'en gros il disait la B, peut-être la C, ou alors la A, ouais. Il assure que c'était une tactique pour ne pas voir son processus de réflexion perturbé par les commentateurs du présentateur, le Jean-Pierre Foucault. Moi je le crois. Ouais. Je sais pas. C'est Slumdog Millionnaire à la fin où il essaie de l'induire en erreur. Mais moi il y avait une vidéo il y a quelques années, je vous parle, c'était à l'époque. Hein. Ah, c'était à l'époque des 100 plus grandes de Chavannes. Non, mais c'était il y a un mec qui était. Le mec était qui veut gagner des millions et il arrive à la toute dernière question. Et donc on lui propose des trucs, il fait ah je vais appeler un ami et tout. Oui, je vois donc, très il bien. Il appelle et l'autre fait allô, il fait ouais papa non en fait j'ai pas de questions, c'est juste pour te dire que je vais gagner un million et ouais, il fait, c'est assez et il gagne. Ouais, ça c'était une super vidéo ça. Et à chaque fois là tu peux pas faire mieux. Ouais, vraiment. À chaque fois je rêve de la version où il donne la mauvaise réponse. Ouais, je suis d'accord. J'ai gagné un million, c'est la B. Pas du tout. Pas du tout. Non, je peux rappeler mon père. Coupez ça. Non, c'était une blague en fait, je rigole. Mais en tout cas, Charles Ingram et sa femme Diana ont été reconnus coupables d'escroquerie par la justice britannique. Ils ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis, mais quand même, ainsi qu'à une amende de 30 000 livres. Et je pense qu'ils ont dû restituer le million, je pense. L'histoire ne le dit pas. Parce que sinon, ils s'en foutent. Ça va tranquille. Ça valait le coup. Je crois que je les ai. Quoi en commun selon vous, Charles Aznavour, Jean Anouilh, Guillaume Canet et Chantal Thomas? Alors, qui est Chantal Thomas déjà? Une créatrice de mode. Et d'accord. Ils ont tous participé à un jeu télé. Alors non, ça n'a. Alors pour le coup, ça n'a pas rapport avec les vedettes, mais vraiment avec vous deux. Il les trouve trop marrants. Tu peux me redire les noms, s'il te plaît? Charles Aznavour, oui. Ouais. Jean Anouilh, oui. Guillaume Canet, oui. Et Chantal Thomas. Ils sont tous musiciens? Non. Ils jouent tous d'un instrument? Non. Et je peux rajouter du coup David Marseille et Grégoire Ludig. Oula, ils viennent des Yvelines. Yvelines, ouais, je vais dire. Alors, ça. Alors plus précisément, de Montfort-la-Maurie. De Montfort-la-Maury. Ils sont Aznavour, il vient de Chef. Aznavour, il est à Galui. À Galui. J'ai pas fait de formulation en début de phrase, mais oui, il venait de Galui. Galui, il y a un arrêt de car et c'est tout. Et Charles Aznavour. Et Charles Aznavour. Qui est encore d'ailleurs. Qui s'appelle l'arrêt Charles Aznavour. L'arrêt à Charles Aznavour. Oui, l'arrêt A. Parce que vous avez beaucoup parlé de votre rencontre dans plein d'interviews. Moi, je voulais savoir à quel moment vous êtes dit que vous alliez faire des sketchs ensemble. À combien de temps après? Quel âge? Oui, mais même voilà comment ça s'est mis en place. Parce que je sais qu'il y a eu de la scène aussi un peu au début. Oui, tout à fait. Oh là là, grand moment. Grand moment, les moments de scène. Il y a une histoire qu'on aime bien raconter. Moi, j'étais très ami avec Charles Ludig, donc qui fait toute la musique du film, bien la musique sûr. Des vedettes, la musique même de nos sketchs. Ouais. C'est dingue. Ouais. Et donc j'allais lui rendre visite dans le village d'à côté, parce qu'il habitait un autre village, et on allait à un arrêt de car, parce qu'on avait rien à foutre, et Grégoire était là. Et ce jour-là, il y a vous voyez les voitures qui passent dans les villages pour annoncer un cirque. Oui, bien sûr. Le cirque ce soir. je sais pas comment c'est débrouillé, mais on s'est retrouvé dans cette voiture. C'est vrai. Et Grégoire a pris le micro et a commencé à annoncer des animaux tout à fait fictifs. Ils n'existaient pas. C'est tout à fait vrai. Et je crois que suite à ça, on s'est dit, on serait pas un peu con tous les deux? Est-ce qu'on ferait pas des trucs, pas des choses? C'est vrai qu'on a comme, enfin, ça a été un petit déclic, ça. Et puis on s'est surtout rendu compte que on connaissait les mêmes films que d'autres n'avaient pas forcément vus, genre Volte-face, voilà, Volte-face, Sabre à plume, Wayne's World aussi. Ah, bah, bien sûr. On était les deux à avoir vu Wayne's World. Alors ah ouais. Nos autres potes ne l'avaient pas forcément vu. Et je sais pas, c'est, fallait qu'on tue le temps le mercredi après-midi. Oui, puis c'est venu après, naturellement, exactement. Ouais. Et la vidéo, à quel moment vous avez dit que vous alliez à partir du moment où le père de David avait une caméra, on s'est tout de suite servi de la caméra de ton père. Et C'était une Sony Mini DV, c'était pas dingue. Elle était belle quand même à l'époque, on était contents. Et on allait tourner, comme disait David, le mercredi après-midi ou le samedi avec des potes. Vous aviez quel âge? Franchement, je l'attendais. Non, c'est la même chose. Je crois qu'on avait 16. On était à 15-16 ans. Ouais. Et vous faisiez, on avait la vie devant nous. Vous faisiez vos propres sketchs, vous faisiez comme beaucoup de gens reprendre ceux de non, on faisait nos propres sketchs qui n'étaient pas tous très bons. J'ai souvenir d'un sketch qui s'appelait Souvenir avec 2, le sac poubelle, l'histoire d'un sac poubelle tueur qu'on faisait parler. C'est Quentin Dupieux là. Après, il a été puiser son inspiration. Inspiré, je sais pas. La connexion a commencé ici, j'ai l'impression. Ça s'est fait là. Je pense qu'il est tombé sur les vieilles cassettes. J'ai dit bon, je leur ai piqué une idée, je vais les faire jouer dans mon film. Je pense qu'il y a eu un délire comme ça. Donnant. Ah ouais, et à partir de là, on a continué à écrire des petits sketchs et tout, puis on s'est jamais arrêté en fait. C'est marrant, beaucoup de gens qui ont commencé, ils ont fait des films d'horreur un peu flingués. Mais je pense que c'est ça le film de genre. On a envie d'être dans des vraies conditions de cinéma et on se dit tiens, on va faire un petit film. Enfin, je sais pas. Ouais, nous, ça a été ça. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est peut-être le moins cher, un film de genre moins cher. C'est peut-être le film d'horreur en fait. Et Massacre à la tronçonneuse, c'est vrai. Enfin, beaucoup disent que c'est un film d'amateur, que t'avais pas beaucoup de moyens pour le faire, parce que elles sont quand même assez moderne. Quand, et non, mais quand t'es fan de tronçonneuse, c'est un super film. Ah bah, c'est un documentaire quasiment. J'adore la tronçonneuse, j'y suis allé. Dans les avis à l'Ocinéma. J'adore les tronçonneuses. Si vous êtes fan de tronçonneuses, si vous êtes fan de débroussailleuses. Alors là, par contre, non. Si vous êtes fan de débroussailleuses, il n'y a rien pour vous. Il n'y a rien pour vous. Passez votre chemin, vous allez être déçu. Ce serait drôle, un mec est fan de tronçonneuses et qui regarde Massacre à tronçonneuses. Il dit non, mais pas du tout. Ça marche rien pas à voir. Comme ça, comme ça rentre pas du tout dans la peau d'une femme. Comme ça, c'est ridicule. Normalement, la chaîne saute à un moment donné. Là, il a plus d'essence depuis 10 minutes. Non, puis il y a une sécu, je te rappelle. Bref. Et zéro étoile. Au début, vous avez un peu galéré. J'ai lu une histoire. Vous auriez envoyé vos sketchs à la production Dingue à une fille. Oui, ah, production 22. Gros succès. Ouais, parce que en plus, on a eu la chance d'avoir une réponse, et une réponse très cordiale. Non, mais pour de vrai, très qui cordial, était merci, bonjour messieurs, merci de nous avoir fait parvenir votre cassette. Mais malheureusement, on ne cherche pas de projet en ce moment. La ligne éditoriale ne nous permet pas de produire d'autres. Vraiment très cool. Très bien formulé. À bientôt. Bon courage dans vos recherches, dans vos vidéos et tout. Au revoir. Et on tourne la page. Et derrière, il y avait marqué nul en rayé, mais en 4 ou 5 fois. Quoi. Genre, ça, c'était... Alors, celui-là, ça, c'est nul à chier. Je vais pas rayer une fois. Je vais rayer. Non, pas deux fois. Deux fois. Est-ce que tu le rayes 3 fois? 4 fois. Parce que vraiment, il faut allez, qu'on s'en souvienne que c'est nul. Et ouais, on a reçu un message comme ça. Mais je crois vraiment, le pire, c'est que parce que c'était tapé. C'était un truc tapé. Donc, c'est quelqu'un qui a pris la feuille sur laquelle il avait écrit nul parce qu'il avait fusionné la cassette. Il s'est servi de cette feuille pour le imprimer. Petit mot de remerciement suffisait. On n'était pas obligé de se prendre ça dans la tronche. Mais au final, on s'est dit soit on en rigole et on continue, ou soit. Mais je crois que si je cherche bien, je peux le retrouver. Oh, ça serait magnifique. Je peux le retrouver. Dans Les Vedettes, vous parlez de la télévision, mais il y a un moment, il y a un petit passage sur Internet, encore une fois, sans trop en dire, avec simplement Dan. Est-ce que vous savez qui est Ghislain Raza? C'est une des premières stars du web, justement. Français? Non, américain. Raza, tu dis? Ghislain Raza. C'est pas le Star Wars Kid? Oh là là, quelle culture. Putain. C'est le Star Wars Kid. En plus, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'œil qui connaissait la réponse avant même la question. Dis donc! Ce serait pas Star Wars Kid. C'est vrai que t'as fait un clin d'œil. Ouais. Mais en tout cas, chapeau parce que je savais pas du tout. Hein. C'est le Star Wars Kid. Bien qu'ils aient été cités dans South Park, les Griffins ou même apparaissant, ça je savais pas, dans le jeu Tony Hawk Underground 2. Bonne carrière quand même. Du coup, j'ai envie de voir simplement Dan dans Tony Hawk Underground 2. Je vois cette vidéo. C'est le gosse qui fait du sabre laser. Qui est très nul. Ah non, c'est pas ça. Ouais. Non, ça, tu confonds avec peut-être le mec qui fait du nunchak et qui se pète la gueule. Non, en même avant. Pas. C'est le jeune qui avait une voix. Non, mais le jeune qui avait une voix hyper grave. Ah, tu sais, qui chante le train. Merci. Ah, voilà, oui. Je croyais que c'était ça, excuse-moi. C'est Zaitunde, je crois. Oh là là, l'encyclopédie. Ah, mais je suis un geek de la duel. L'encyclopédie. Pierre Tchernyal. Malheureusement, Raza a avoué avoir été très embarrassé par la diffusion contre son gré de cette vidéo, parce qu'à la base, lui, il avait juste envoyé à des potes. Lui, dépression et tout, je crois. C'est ça, c'était le début d'Internet, donc le truc a commencé à tourner en Real Player. Une pétition sur internet a été lancée par des internautes ayant pitié de son embarras. Ils demandaient pour le consoler qu'il fasse une brève apparition dans le dernier chapitre de la seconde trilogie Star Wars, La Revanche des Sith. Il avait reçu plus de 148 000 signatures. La phrase est un peu triste. Bien que George Lucas sympathise avec la cause du jeune homme, le film ne présente aucune apparition et aucune preuve comme quoi une telle apparition a été sérieusement envisagée ou si même Raza était intéressé. C'est vrai, peut-être qu'il avait bon envie. George Lucas lui a envoyé une lettre genre désolé, on ne pourra pas te offrir un rôle et derrière il a marqué nul. À chier. Grosse merde. Lorsque la vidéo atteint le sommet de sa popularité, deux blogueurs ont amorcé une levée de fonds afin d'offrir à Guilin un iPod. Ils ont amassé. À l'époque, c'est énorme. Le film, il parle un petit peu les vedettes des médias qu'utilisent des gens, des vedettes, on pourrait dire, oui, qui est un peu vedettes. Simple pour se foutre de leur gueule. Sans parler forcément de messages, mais est-ce que vous teniez à avoir un truc un peu social dans celui-là ou parler de ces gens-là qu'on traîne dans la boue, j'ai envie de te dire. C'est ce qu'on dit, du besoin de reconnaissance. Ouais. Voilà, ouais. Et c'est surtout les mecs qui ont. Et à partir de là, les gens qui n'ont aucun recul et qui sont d'une naïveté sans faille, déjà ont trouvé que ça les rendait attachants. Après, justement, c'est pas se moquer de ces personnages, c'est plutôt rire avec eux de se dire que. Tous les poussent à réagir comme ça, en fait. Ouais. Toute la société, j'ai envie de dire le mot société, te pousse à avoir ton petit quart d'heure de gloire, à vouloir briller un peu plus que ton voisin ou quoi. Et on se dit que eux, comme ils sont absolument naïfs et surtout avec un complexe de supériorité de dingue, Stéphane qui pense être le manager France de sa chaîne de magasins, et lui, il n'a rien à foutre d'être là. Lui, il va remplir le Stade de France. Mais à partir du moment où ils sont à fond dans leur truc... Ouais. On les trouvait sympas. Mais oui, ça part d'un besoin de reconnaissance. On trouve qu'en ce moment, c'est un peu la folie de tout ça, quoi. Bien sûr. Mais t'as le truc un peu de la comédie où il y a les cons et les merdes. C'est-à-dire que les cons sont toujours plus sympathiques parce que si en face. Et c'est très Adam McKay d'ailleurs, parce que vous, dans votre film, il y a aussi. Des personnages qui sont des sales, des merdes humaines. Oui, oui. Et du coup, on est toujours plus proche des cons que des merdes quand on voit un film, quoi. Parce que c'est dans Step Brothers où il y a Will Ferrell et John C. Reilly, ils sont atroces, mais il y aura toujours le frère de Will Ferrell qui sera encore pire. Qui sera pire, donc t'es plutôt du côté des deux abrutis, quoi. Oui, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, on trouve ça hyper intéressant toujours de partir de personnages qui ont que des défauts. C'est toujours plus intéressant finalement. Tu prends Louis de Funès, si tu regardes bien, il est horrible. Il est autoritaire, il est colérique, il est lâche. C'est mythe aussi dans Rabbi Jacob. Dans la vie, dans une interview. Dans la vie, après, aussi. Si vous aviez vu l'interview, oui. Elle est folle cette interview. Ouais. Ça m'a lavé. Il dit parce que moi aussi j'avais des idées un petit peu. Ah, ma biche, je crois qu'il disait ça. En vrai, il fait un truc un peu très de Funès. Il dit ouais, ça m'a lavé l'âme. Ça m'a lavé l'âme un peu. Non, mais c'est assez fou. Ça m'a lavé l'âme. Et d'ailleurs, vous en parlez, je conseille le magazine Cinématiseur qui fait un gros dossier quand même sur les vedettes avec l'interview de plein de gens. Ouais, c'est une petite fierté ça. Avec une interview de Charles aussi. Charles, une belle interview. Il y a beaucoup de vous, évidemment, il y a beaucoup de choses. Premier mercredi du mois. Les pompiers. Et dans le magazine, il y a cette, je sais plus lequel, je crois que c'est Jonathan qui parle d'une phrase de Didier Bourdon, qui dit que les gens ils aiment dans la comédie parce que ça les fait jamais penser à eux, mais à leurs voisins. Oui, c'est toujours alors qu'en vrai c'est eux. Oui, c'est vrai. Et voilà, je trouve que cette phrase est vachement bien parce que c'est vraiment ça. Même et si... c'est même un peu nous aussi, mais nous personnellement, c'est-à-dire qu'on prend, on se met aussi un peu dedans, quoi. Ouais. C'est trop simple de pointer du doigt entre guillemets et de nous Mais c'est ce que tu dis. T'as mis le côté un peu contrôle freak. Ouais, j'adore. Puis j'adore les barbecues. Ouais. Vraiment, je suis fan de barbecue. Je vous souhaite à tous de participer à un barbecue organisé par David. Moi, j'ai pas fait beaucoup de tournages dans ma vie, mais vous m'avez invité dans deux sketchs et à chaque fois, il y avait un très bon barbecue. À l'époque de Suri 4, on était assez choqué quand on était venu faire qu'on sépare une bagarre et qu'on va à Technival. Il y avait un énorme barbecue et franchement je m'étais dit c'est ça le showbiz, c'est budgété, c'est ça en fait. C'est nous, la nourriture, le déjeuner, les coupures déjeuner sont budgétées, ça fait intégralement partie de la journée de tournage. Mais t'as un super reportage aussi avec c'est pas un reportage d'ailleurs, c'est une interview, c'est Bertrand Blier, Bertrand Tavernier et Patrice Lecomte qui causent pendant 2 heures. C'est un truc sur Canal où ils sont autour d'une table et ils discutent de l'importance de la bouffe sur internet. Tablier qui dit alors moi c'est Tablier d'ailleurs pour la bouffe. Excellent. On voit pas mais il y a du check là il y a du check, on respecte ce lui genre il dit de, ah non faut 3 heures, il y a de la charcute de partout machin. Ou Patrice Lecomte dit lui il veut du McDo tout le temps parce qu'il aime pas prendre le temps pour bouffer quoi. À l'américaine. Il dit non moi c'est on bouffe très vite et machin. Mais nous en réalité quand on avait commencé, je sais pas si tu te souviens, on bouffait des sandwichs et on avait un tacos, une commande Amazon. OK, très bien. Je continue. Vas-y. Et ben il y avait un tecos. Tu nous diras ce que c'est quand même. Un vieux de la vieille, mais vraiment l'intermittent. Il avait 30 ans de métier. Bien sûr, et un jour, il pousse un coup de gueule en disant mais j'en ai marre, moi je veux, voilà, je veux dire quelque chose, je veux arrêter les sandwichs, je veux une assiette en dur, je veux un plat chaud. Et puis on s'est dit putain il est super relou, on va perdre du temps. Et puis on a commencé à le faire. Et au final, et bah, c'est vachement bien. Bah, c'était trop bien. C'est trop important de faire une vraie pause. C'est vrai, hein. Il avait vraiment raison. Dans n'importe quel taf d'ailleurs. Et mais... puis c'est le vraiment c'est un vrai respect des équipes en fait. Ah ouais, le midi tu t'arrêtes. On mange bien. Et une équipe bien nourrie, comme il faut. Et une équipe heureuse. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est tout le moment fait. En plus où tu, il peut se créer une cohésion. Exactement. Parce que quand tu taffes, t'as pas forcément le temps de sympathiser avec les tout gens. Tout à fait. Et, c'est ça. C'est un cercle vertueux, j'ai envie de dire. Oh t'es magnifique. Putain. On va passer à une autre partie de l'émission qui s'appelle Souvenirs de télévision. Un titre. Allez, oh là là. Pensé. J'ai demandé aux auditeurs ce qui les avait marqués dans l'histoire de la télévision. Alors il y a des événements qui reviennent beaucoup. Ouais. Le 11 septembre, les différentes victoires de la France en foot, l'annonce de Le Pen au second tour, la mort de Michael Jackson. Est-ce que vous, il y a c'est un événement. C'est que des trucs assez joyeux. Bah souvent, mais parce que c'est ça. Ouais, souvent, c'est que tu regardes la télé et il y a un bandeau. Moi, Michael Jackson, je me souviens, il y avait un bandeau en bas de flash spécial. Ah oui, je crois que Johnny, ils ont fait ça aussi. Tu regardes la télé et d'un coup. Bien sûr. Avoir le jingle du JT qui se lance ni à 13h ni à 20h, ça, c'est un truc qui te. Oh là, c'était oula. Assez c'est souvent des catastrophes que tu retiens. Moi, je retiens le 11 septembre complètement. Je sais où j'étais. Et t'étais où alors ? J'étais chez un pote. J'étais chez Adrien Ouillot, pour tout vous dire. Voilà, un pote avec qui j'étais en cours. On avait séché une heure d'histoire, je crois. On s'était barré chez lui pour prendre un goûter. Et on avait vu ça, on avait complètement halluciné. On était revenu en cours, je me souviens. En maths, il me semble. Mais on disait, ah, mais attendez, mais c'est la guerre. Toi aussi, t'es sur le décalage horaire. Ouais, c'était pas en fin de matinée, midi. Non, c'était vers dans l'après-midi. Parce que non, moi, je me fin de matinée à New York. Non, mais moi, je me souviens que je venais de me lever. Nous, je venais de me lever, moi. C'était le lendemain, mais toi, t'étais complètement déconnecté déjà à l'époque. J'étais un gros geek. T'étais des glingos à l'époque, je crois. À l'époque, t'étais moi, dans mon souvenir, justement, je venais de me lever. J'ai un peu le même souvenir que toi. Et d'ailleurs, dans le clip Manhattan Kaboul, il y a un mec qui est dans son plumard et tout, qui vient se lever et qui met à la télé. Mais non. Tu as peut-être un souvenir de ce clip. Tu comprends. C'est peut-être inspiré de ma vie, comme Quentin Dupieux s'est inspiré du sac poubelle, tu vois. Tout se rejoint. Tout se rejoint, tout se recoupe. Non, mais bon, on va voir. Qu'est-ce que quoi moi, de quoi je me rappelle. Un truc, un événement. Après, vous verrez, il y a des trucs beaucoup plus larges. Bah non, mais tu parlais des événements de l'équipe de France. Oui, je me rappelle de la victoire France 98, ça, je me rappelle très bien. Michael Jackson aussi, t'as raison. Mais c'est vrai que là, j'ai les faits donc, que tu viens d'évoquer en tête, mais attends, je cherche un autre. Mais parce que quand vous parlez de la télévision dans les vedettes, mais on sent, et déjà dans les sketchs, vous la parodiez, mais on sent que vous en avez beaucoup bouffé aussi. Ah vous ouais, êtes bah, des gens qui en consommaient beaucoup. On est né dans les années 80, donc on l'a regardé dans les années 90. C'est même le choix des jeux, c'est des jeux en vrai qui auraient pu exister dans les années 90. Tout à fait. On est un peu nostalgique, peut-être. Oui, voilà, bah, le prix à tout prix, c'est clairement le juste prix. Donc ça fait l'âge d'or. Elle a eu son âge d'or, le juste prix, il y a déjà plus de 20 ans même. Avec Chrysoli, le plus même. C'était 95. C'était Philippe Chrysoli. Le juste prix, Philippe Chrysoli. Avec le micro. Bien sûr. Mais après, la gaffe, la reprise, de toute façon, c'est des trucs qui reviennent, c'est très cyclique. Ouais, c'est vrai. Parce que dans les souvenirs d'auditeurs, il y a les baffes que mettait Patrice Laffont à Passepartout dans Fort Boyard. Quoi ? J'en ai aucun souvenir. Vous vous souvenez pas ? Mais t'as des baffes ? Patrice Laffont, ah si, moi j'en suis très violent. C'est pour ça que je l'ai mis. Patrice Laffont, il avait un personnage et Castaldi lui a un peu repris. Je suis très calé en Fort Boyard. Jean-Pierre Castaldi. Jean-Pierre Castaldi, oui, bien sûr. Oui, pas Benjamin. Bah non, le père. Benji. Le patriarche. Le patriarche de la famille Castald. Ils avaient tous un perso un peu bourru. Après, Olivier Mine est arrivé avec sa bonhomie naturelle et ses muscles. Il aurait pu utiliser son physique, il le faisait pas, c'était d'autant plus. Ah bah lui, une tarte à Passepartout, malheureusement, Passepartout décède sur le moment immédiatement. Un atémi là, bam, allez, terminé. Et Patrice Laffont, il mettait des gifles tout le temps à Passepartout. Je n'ai pas l'horreur, j'en ai aucun souvenir. Et moi, j'ai un souvenir, c'était une baston générale sur. Je crois que c'était Coucou c'est nous ou un truc de Chavannes là ça parlait de peut-être Ciel Montmardi où c'était un truc de débat et je crois qu'il y avait un peu un antisémite et de Chavannes voulait le virer, voulait plus lui parler, c'est ça. Mais c'était parti des mecs qui avaient couru sur lui pour lui mettre une droite c'est super violent. Et de Chavannes qui disait ne passez pas devant les caméras s'il vous plaît et tout, et ça courait partout. Je me rappelle d'avoir vu ça quand tu le cochon, il disait ça, je crois. C'était des canulars déjà à l'époque, c'était des happenings. Non mais je me souviens, c'était fou, il y avait vraiment un truc où t'as toujours une image de la télé, du truc bien huilé, tout de suite la pub, machin. Alors maintenant on retrouve là, et là t'as un truc, des mecs qui descendent du public pour foutre une droite au gars. Mais parce que les années 90, c'était aussi le grand moment du direct. Du direct, je sais pas si c'était tout à fait nouveau, j'ai l'impression que tout était en direct à peu près. Je crois que le différé, c'est arrivé 10 ans après, un truc comme ça. Ah ouais, différé, 10 ans après, ça me semble logique. Non, mais il y avait ce truc, mais je me souviens même des enfants de la télé. Moi j'adorais les enfants de la télé, parce que c'était le moment où tu voyais des gens marrants tout à fait. Ailleurs que dans des c'était films ou des séries. Ouais, voilà, c'est ça. L'ancêtre du web. Et il a été cité, donc ça m'a réveillé aussi, c'était le spécial Astérix Mission Cléopâtre. Ah où oui. Il y avait Édouard Baird, Chabat, Jamel, Depardieu, enfin, Clavier. Il n'y avait pas Depardieu et Clavier pour le coup. Mais il y avait Darmon. Ah, l'autre, oui, je suis sur le premier parce qu'il y avait un enfant de la télé, effectivement, ah, avec Daniel Prévost qui était arrivé un peu. Ah en... oui, oui, oui. Pareil, en happening, et c'était assez marrant d'ailleurs. Pardon. Non, non, mais c'est, oui, c'est le, Daniel Prévost, c'est dans le premier. C'est, exactement. Il fait le devin. Mais dans le 2, ouais, du coup, t'avais tout le 2. Personne dit le 2 pour dire Astérix de Cléopâtre, mais t'avais si, tout si, Canal. Moi, je dis. C'est ça. Et ils vous avaient foutu un énorme bordel, ils avaient renversé les trucs. Et c'est vrai qu'ils avaient, ils avaient pété la table. Je me souviens d'Edouard Baird debout avec une caméra. Et c'est des moments, en vrai, qui, tu vois, aujourd'hui à la télé où t'as un peu moins, quoi, ces trucs-là. Du coup, c'est moins. Enfin, il y a plus le côté en direct, quoi. C'est vrai. Mon incroyable fiancé avec Laurent Ournac. Ça, j'ai complètement, wow. complètement passé à okay. côté. Oui, ouais, j'avais pas regardé, mais ouais, je me rappelle. Ouais, les aller. Premiers Îles de la Tentation. Ouais, je m'en souviens. Interville. Là, c'est juste des émissions là, qui disent. Oui, mais les premiers. Non, mais parce que. Quoi, souvenir L'île de la Tentation. Oui, bon. Non, mais l'île de la Tentation, c'était la première fois qu'il y avait un peu du cul à la. Enfin, aussi. Enfin, extrême. Oui, on était un peu. On était un peu excités. Ah, le Loft. Le Loft. Le tout premier truc de télé. Dans un truc un peu plus précis. Ça baisse dans la piscaille. Ouais, la pistoche. Il disait la piscaille, c'est non, c'est alerte tous, alerte tous. Ça baisse dans la piscaille, ton roman un peu érotique que tu sors ouais. là bientôt. Bah dans les souvenirs, les gens parlaient même de la finale où ils défilaient sur les Champs-Élysées. En fait, ils étaient remontés en voiture des Champs-Élysées, il y avait des gens qui le Loft, le Loft. Ah ouais. C'était Loana et le chauve marrant, je sais plus qui c'était. Le chauve marrant. Il y avait un chauve marrant qui avait gagné. Ah mais c'est celui qui avait baisé aussi sous une table. C'était un touzeur aussi. Un autre touzeur. Non, c'était pas Philippe genre. Je sais plus. Alors moi là, je suis perdu. Non mais il y avait un mec qui s'appelait Philippe, je crois. Ouais. Un mec avec des lunettes rondes. Non, là. Alors non, lui c'était le mec marrant du Loft qui avait fait sur Christophe. Comédie. Christophe. Non. Christophe. Il s'appelait Christophe. Ah oui. Le chauve dont tu parles qui ah, a oui, été en finale avec Loana, il s'appelait Christophe. Et qui a fini avec une meuf du Loft et qui sont toujours ensemble, je crois. Mais, oui, mais attends, mais ils ont vraiment descendu les Champs-Élysées. On est en train de faire les feux de l'amour là. La meuf métisse là, non. Oui, c'est ça. Et ben ils avaient baisé sous une table, ils avaient foutu des draps et tout, je crois. Allez, des draps, ils fait ça bien. Non, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Je bouche mes oreilles, ça me dégoûte. La tricherie d'Olivier Chiabodo, évidemment, bah, bien pour faire gagner l'équipe du Puy du Fou. Ça, on ouais, ouais, je comprends. Bah, déjà le Puy du Fou, déjà des dossiers, des casseroles. Des casseroles. Au cul. Là. Mais le. T'as bien fait de préciser. Oui, parce cul. Que des casseroles juste dans son sac, c'est pas, pas si pire. Ça peut arriver. Si tu sors les de... au cul, que ça tu sors d'IKEA, tu t'achètes des casseroles, y a pas de problème. Mais ah, si les c'est casseroles, au cul, ouais, rien à voir, mais peu importe. Ouais, peu importe. Les émissions Domino Day. Ça, c'est vrai que c'est des soirées. Ouais, ça, tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, je vois, mais j'ai jamais c'était rien. C'était Dave qui présentait ça. Il Dave était... Ouais, c'était Dave. Domino Dave, du coup. Oh là là. Oh, bah, allez, celle-là, elle est enflure. Et dernièrement, l'interview de Stromae, qui est beaucoup revenu aussi. Ah, aussi, ah aussi, oui. Ah ouais, ouais. Eh ouais. Et bah oui. Et bah, oui. Moi, tu vois, je vais te dire un truc. Je pense que c'était prévu qu'il chante. Wow. Tu crois? Moi, je crois pas. C'est à mon avis, ouais. Mais dis donc, tu vois les ficelles, toi, j'ai l'impression. T'es un marionnettiste de TF1, toi. Je vous préviens, à tel moment, je vais chanter. Non, je crois pas. Je pense que si, moi. Parce que la nana. Ouais. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut autour ouais. de cette table. Et ici, c'est non, Radio on Libre. Mourra pas, en fait. Ici, c'est Radio Libre. De nous faire passer les vessies pour des lanternes. Il y a un peu cette phrase que tout le monde dit, genre la télé, c'est dur à parodier aujourd'hui parce que c'est devenu un peu n'importe quoi. Est-ce que c'est un truc qui vous parle ou est-ce que non, vous trouvez toujours des trucs dans ce qui sort Si, si, c'est vrai, parce que quand on a, il y a une partie dans le film où on parle de la télé-réalité avec des, tout ce qui est villa, tout ça. Et c'est vrai qu'on a, on avait commencé à revoir des émissions justement pour essayer de s'inspirer un peu et on se rendait compte que les gens allaient tellement loin. Que nous, si on allait encore plus loin, ça allait pas être crédible du tout. Dans les téléréalités. Ouais. Ouais. Oui, on est d'accord, parce qu'il y a quand même des choses à parodier à la télé aujourd'hui. Oui. Qui sont, ouais. Enfin, il y a quand même encore beaucoup de choses. Il y a un vivier de trucs que tu peux décaler et dont tu peux te moquer. Enfin, tu peux te moquer, dont tu peux te servir dans un sketch. En mais tout c'est cas. Vrai que quand il y a des trucs qui partent. Mais oui, d'ailleurs, vous refaites un sketch show bientôt. Tout à fait. On non est en train, on est, écrit, on est en train d'écrire, ouais, exactement. Vous êtes en train, et du coup, est-ce que vous ouvrez, par exemple, sans spoiler bien sûr, mais à des trucs qu'on pourrait voir sur des plateformes peut-être, ou des choses comme ça ou on est-ce que... va faire une sorte de zapping de plateforme, ouais. D'accord, ok. Bah, ouais. On se dit que voilà, on essaie d'évoluer avec le temps, ouais. Et qu'il y a eu la téléhoche, il y a maintenant les plateformes, et il y a plein de séries et de films ouais. sur les plateformes et qui sont identifiés vraiment plateformes. La Casa des Papels. La Casa des Papels. La Casa. La Casa, comment on dit, ouais. La Casa del Pep. La Casa del Pep. Ouais, exactement. Non, mais même des jeux, et des jeux. Un LOL qui ressort ou des trucs comme ça, on pourrait oui, dire qu'il y aurait des trucs à parodier. Tout à fait. Je vous propose un nouveau petit jeu sur les animateurs télé-acteurs. Avec plaisir. Ah, ben, ouais, préférés. Vous êtes ça, sûrement très calé. Jean-Luc Reichmann. Ouais. Ah non. Je vais vous pitcher des synopsis de films, super. De téléfilms okay. ou de séries. Meilleur jeu. Ok, trop content. À vous de me dire quel animateur joue dedans. Exemple, si je vous dis un commandant de police ayant intégré la brigade de Creshman. Oui, Léo Mattei. Je vais te tuer. Toi, je vais te tuer. Je vais te tuer. D'ailleurs, alors le synopsis spoil, puisqu'en gros, moi je savais pas, il a intégré la brigade des mineurs parce que sa fille avait disparu. Donc, la ghost story. Le petit côté Liam Neeson français. Bien sûr. C'est comme ça qu'on le présente d'ailleurs. Mais je sais. Mais dans la saison, enfin, c'est 8 ans plus tard, il la retrouve. Ah. Oh, et attends, il y a 8 saisons? Non, quand même pas. Je pense pas qu'il y ait 8 saisons, mais dans l'histoire, dans le lore, de Léo Mattei. Bah, je trouve ça bien qu'il la retrouve quand même. Ah ouais. Bah, ouais. Ça finit bien. Ça finit bien. Petite série feel good. C'est très feel good, Léo Mattei. Tu veux voir un truc feel good? Léo Mattei. Léo Mattei, c'est Jean-Luc Reichmann qui retrouve des gosses disparus. Pas mal quand même. Hyper feel good. Chloé est une voyante réputée, mais son don est dû à la présence d'Einstein qui a trouvé refuge dans sa tête. Sans crier gare, l'esprit d'Einstein la quitte pour se réfugier dans la tête de Zach, garçon de café, qui cherche à perpétuer les travaux d'apiculteur de feu son père. La vache, le pitch, celle-là elle est belle. Ouah, la vache, qui a vendu ça? C'est alors attends, est-ce qu'on peut savoir si c'est un film, un téléfilm ou une série? C'est un film. Ah, c'est un film. De français. Cinéma. Septième art. La grande toile. Et donc on cherche une femme. Pas la petite lucarne. Non. C'est un animateur. Ah, c'est Zach, le fameux Zach. C'est le fameux Zach. Un animateur qui interprète le célèbre Zach. C'est un film plutôt récent. Attends, plutôt américain récent. Ou français? Ah, c'est français. Je vais vous dire c'est que des français. Que des français. Ok, attends. Attends, un animateur. Zach. Garçon de café. Qui cherche à perpétuer les travaux d'agriculteur de feu son père. Julien Courbet? Pas Julien Courbet. Un mec. Très déçu, Julien Courbet, dans très peu de films. Il apparaît dans Disco de Fabien Antoniente dans son propre rôle, mais il a pas de film où il a été premier rôle. Quelqu'un qui a plus de 30 ans? Je crois, oui. Ouais, il a plus de 30 ans. Oui, c'est sûr, non, mais c'est sûr, bien donc, sûr. Hésité, animateur de jeu. Plus de 30 ans. Animateur de jeu. Pas de jeu. Animateur télé. Ouais, c'est ça, c'est Pascal télé, Pro, c'est malheureusement Pascal non, Pro. Non, non, non. c'est pas Einstein qu'il a dans sa tête, lui. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, bim. Ouais. Dans les dents, la téloche. Et donc. Attends, alors, il est animateur de télé sur la première chaîne. Ah, si je vous dis Stéphane Bern. Non. Mais tu es presque. J'y suis allé beaucoup trop vite, là. Non, mais c'est bien. Stéphane, alors. Ah! Ah, Stéphane Plaza. Stéphane putain, Plaza pour oui, le film J'ai oui. perdu Albert. Mais oui. Stéphane avec Plaza qui a fait une carrière de théâtre puisqu'il va jouer dans la prochaine pièce de Laurent Ruquier avec Julie Ferrier. Le film dont tu parles. Dans le film, ouais, Julie Ferrier et Josiane Balasco. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai. Et qui a aussi une bande dessinée Stéphane Plaza sur ses aventures d'agent immobilier. D'ailleurs, vous allez proposer vous une bande dessinée sur vos personnages. Si, figure-toi, il y a très longtemps. Oui, voilà, c'était sûr. C'est vrai. On n'avait pas le temps de. Enfin, non, c'est vrai qu'on a, on s'est dit, on y reviendra, mais on n'y est jamais revenu. C'est vrai. Mais il y a longtemps, on voulait faire à fond. Bah, ouais, c'est ça. Mais on n'avait pas le temps. Oui, t'avais envie de faire le truc un peu caméra café, fait de briques et de rock à l'arrache, un peu. Ça allait ressembler à ça. On n'avait pas trop. Ouais, je comprends. Marcel Jacquin, un ancien braqueur, est accueilli par sa petite fille Justine. Le grand-père va reprendre du service, mais cette fois pour la bonne cause. Étudiante en médecine, Justine a besoin des talents de son papy pour forcer le coffre d'un laboratoire pharmaceutique qu'elle soupçonne de coupable malversation. Pardon. Justine veut prouver que le laboratoire teste, et là il y a un petit virage, de façon tout à fait illégale, un vaccin expérimental sur des populations civiles d'un état africain en guerre. Les preuves sont stockées dans le coffre, et qui dit coffre à forcer dit forcément Marcel, l'ancien braqueur. Alors, est-ce qu'on cherche Justine ou Marcel là? Alors, on cherche ni l'un ni l'autre, c'est là le petit piège, c'est que Marcel, dans l'histoire, c'est un téléfilm, a un fils policier, ce qui complique un petit peu l'affaire. Et c'est le fils policier est interprété par un animateur de télévision. Ah, je veux dire, il est en bif un peu avec son fils. Bah ouais, parce que c'est un ancien braqueur qui sort de tôle. Voilà. Il dit 40 ans comme ça. Et puis, alors, c'est pas François Cluzet. C'est pas François Cluzet. Une quarantaine d'années? Plus. Normalement, un flic, c'est Frédéric Diefenthal à chaque fois. Ouais, mais Frédéric Diefenthal n'était pas animateur télé. Non, je crois pas, ou très peu en tout cas. Un présentateur de jeux télé? Il a présenté des jeux, mais pas que. Nagui? Pas Nagui. Mais on est effectivement sur une génération, il a couvert plusieurs décennies. De Chavannes. Très bonne réponse. Christophe De Chavannes pour le film Braquage en famille. Oui, sur De Chavannes. Braquage en famille. Alors, De Chavannes avait aussi fait un autre téléfilm, parce qu'à une époque, il était très célèbre parce qu'il était avec son petit chien. Oui. Dans la roue de la fortune, petit chien qui avait été vendu en peluche quand même. Ah, je crois dire, que tu l'avais vendu. Le chien, il était gagné au juste prix. Il marche bien ce chien, je vais le vendre. Non, ils en avaient fait une peluche à vendre, à vendre pour les gens, comme la peluche Bill du Big Deal dont bien on avait sûr. Parlé ici. Et ils avaient fait braquage. J'ai raté cet épisode. Mais non, mais c'est marrant parce que votre film en parle. C'est l'impact aussi. C'est pour ça que quand je disais la télé a eu, j'imagine, de la place dans vos vies. C'est la place que prend la télé dans les foyers. Enfin, vous venez des Yvelines. Moi, je viens de Bourgogne. Toi, enfin, des Yvelines aussi, moi. Hein. Ouais, on vient de quand même des un peu de petits patelins. Où la télé était. Enfin, moi, je sais que quand j'appelais ma grand-mère, elle ne baissait pas le son de la télé. Oui, quand, bah, pareil. Très présent. Malpoli. Oui aussi. Mais je peux me permettre. Genre, la non, télé allumée dans le salon. Ouais. C'était de dire la place que prenait le poste. C'était dans les espèces de gros meubles en bois au milieu du truc. L'armoire normande. C'est ça exactement. Mais vous avez quand même un peu réussi à baisser ça ou vous êtes encore ou... Non moi plus du tout. La télé elle est pas allumée. Beaucoup moins. Mais je crois que c'est vraiment ça. C'est un rapport nostalgique à la télé. C'est ça. C'est vraiment un truc lié à l'enfance. Vous la télé? Moi j'ai complètement arrêté aussi. Jamais. Mais quand j'étais petit, tout le temps. Mais pour le coup, c'est chez les grands-parents, il n'y avait pas grand-chose. Donc tu mettais la télé. Et puis les jeux, mine de rien, les jeux de télé, quand je trouve quand on était enfant, il y avait presque un truc un peu social dans la famille. Quoi, de lui, je l'aime, ce candidat, je l'aime bien. Et puis tu essayes de répondre aux questions. T'as pas eu ça, Adrien, toi, de toute façon. De toi, tu lisais des bouquins. Qui ? Oh, des bouquins, ouais. je dessinais des petits croquis. Tu faisais des croquis. Non mais après en vrai ça peut m'arriver de mettre par exemple YouTube en fond pour avoir ça, une c'est présence. Parce que t'es bien dans ton temps. Non mais tu vois c'est un peu la même utilisation. C'est vrai. Mais Twitch télé, même, aujourd'hui Twitch les gens mettent ça en fond. Putain moi je suis largué moi. Ouais complètement. Vous lancez pas votre chaîne Twitch les gars. Non, on l'a pas fait. J'avoue qu'on l'a pas fait. Un petit snap. TikTok les gars. On va aller à la chambre des commerces pour essayer de créer cette entreprise. C'est ça qu'il faut faire. C'est fou que personne vous ait dit putain mais simplement Dan, faites-le sur TikTok. Il y a des chorés à faire, il y a des trucs. T'inquiète pas qu'on nous l'a déjà proposé. Non mais par contre vous pourriez la foutre sur ne serait-ce que YouTube. C'est prévu ça. Ah oui voilà. Un peu comme Gilles Gabriel à l'époque de Chabat. La personne de personne. Bien sûr. Bien sûr. Ça sortira une semaine après je pense. À peu près. Quel bonheur. Trop bien. Mais c'est dur un peu de filmer. Enfin, vous y arrivez trop bien. Dans le film, il y a quelque chose. Alors, c'est aussi grâce au talent de votre chef-d'œuvre. L'image est magnifique. Et grâce à Jonathan, parce que je trouve que c'est dur de filmer des émissions télé. Enfin, au début, c'était l'écueil du film. Quand on a fait lire le scénario à droite à gauche, c'était ouais, mais vous êtes sûr, vous voulez parler de la télé au cinéma? On s'en fout. Enfin, ouais. Ça fait pas rêver, quoi. C'est pas hyper cinématographique. C'est pas très scope. Ouais. Ah, ça, putain, ce qui est fou, parce que c'est pas scope. Ça, on nous l'a dit. Ah ouais, vraiment. Et du coup, ce qui est fou, parce que j'imagine que sur Max et Léon, c'était presque l'inverse de oh là là, les gars, mollo ouais, sur, les moyens. Mais Jonathan, c'était vraiment son pari, quoi. C'était de filmer ça et de le rendre vraiment cinématographique. Donc je peux vous dire qu'il a écumé toutes les émissions, tous les jeux possibles et imaginables. Et il s'est arrêté sur une référence d'Afrique du Sud. Ouais, pour si le prix à tout prix. C'est un plateau sud-africain qui lui a inspiré le prix à tout prix, les paillettes, tout ça. Ah, génial. Oui, puis même dans la couleur, il y a des trucs très marqués. Enfin, ce qui fait qu'il y a, pareil, je vais dire une phrase un peu galvaudée, mais il y a un côté fable aussi. Parce que dans l'image, il y a un truc un petit peu comme ça. Mais en plus, enfin, je trouve dans l'histoire de la comédie française, il y a beaucoup. Enfin, dans Les Trois Frères, il y a toute une scène où il joue millionnaire. C'est marrant, il y a deux jours, on s'en est rendu compte. Enfin, on avait complètement oublié cette scène. Je pense que c'est complètement inconscient. C'est du plagiat, mais inconscient. Mais c'est la scène où. Moi, j'ai moins grandi avec les Inconnus, et c'était la scène où tu te disais. Ah là, ils refont vraiment pour faire plaisir aux gens un sketch dans le film un peu. Ils ont des perruques. Oui, et puis c'était vraiment réaliste en plus. C'était vraiment le vrai jeu, quoi. C'était le millionnaire. Oui, il y avait Rizzoli. Non, c'est un petit bonhomme. Il ne ressemblait pas du tout d'ailleurs à un petit bonhomme. Ouais, c'était un petit bonhomme. Somme toute très charmant, mais rien à voir. Et ça me fait penser, je le conseille aux gens, parce que c'est un film très connu, je pense, pour nous, mais pas pour les jeunes générations. Et j'arrive jamais à dire le titre. Ce film avec Thierry Lhermitte. Les dossiers du professeur. Les confessions professionnelles du. Le serpent à plumes. Ouais, c'est ça. Non, c'est les. Ouais. Matéi. Les secrets professionnels du docteur Apfelgluck. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Apfelgluck. Il est très difficile à dire. Très dur à dire. Et dedans, il y a. En fait, c'est un film à sketch. Et dedans, il y a tout un épisode avec Chabat et. Cet acteur des Bronzés Fondus. Mais oui, Roland Giraud. Vous ne pas mon Roland Giraud, excellent. Génial. Et tout se passe dans un plateau télé. Et c'est marrant, je sais pas si c'est une référence de Jonathan, mais il y a ce truc un peu de passer sur le plateau et en régie sans jamais vraiment avoir l'image de l'émission télé. Quoi. Ah, mais je crois qu'on l'a pas. En tout cas, nous, ça fait pas partie de nous. Peut-être Joe, hein, certainement. Peut-être. Même, mais en tout cas, je vous le conseille, ce film, il a un peu vieilli, mais film il est complètement fou. Film à sketch complètement ouf. Et dedans, en gros, c'est le pitch de ce sketch-là, il est marrant, c'est Chabat qui joue le présentateur, et il y a Roland Giraud qui joue un candidat horrible, en fait, raciste, misogyne, antisémite, mais il est très fort. Il est trop fort. Donc ils n'arrivent pas à le virer, en fait, parce qu'il répond à toutes les questions. En vrai, Roland Giraud, bon pitch. Très bon acteur. Et tout le long, t'as Chabat, enfin tout le temps Chabat, qui fait « Ouais, allez, peut-être là !» Ils essaient de lui mettre des mecs très forts en face, mais quand même, il arrive à les battre. La pub! À un moment, il y a Roland Giraud qui dit un truc horrible que je vais pas redire, un petit sur un matros. Et t'as Chabat qui fait la pub! un sourire, genre. Je vous parle d'un autre pitch. Victoire doit faire face à plusieurs dangers au sein du lycée: la pornographie, la drogue et les problèmes familiaux. Mais c'est sans compter sur le soutien de Valéria, sa meilleure amie, et d'Emma, sa fille. Mais en ayant assez de son train-train, elle fait le choix de tout plaquer et de démissionner pour se retrouver en responsable de la récolte dans un domaine viticole. Valérie Damido. Oh là là, très très bien joué. Oh, Victoire Bonneau. Moi, celle-là, elle me fait peur. La rapidité de ta réponse m'effraie. Ouais. En mais fait, attends. Moi, c'est le Valéria qui m'a donné la. Ah, ils se sont dit, ah, mais ils c'est pas Valérie. Pas, ils sont pas. Putain, les auteurs, excellent. À votre avis, comment on peut l'appeler? Tu vas jouer quel personnage? Ben non, mais attends, elle joue Victoire. Valéria, c'est sa pote. Ah, ah ouais, non, non, non, non, non, il joue avec les esprits. Autant pour nous, c'était vraiment au hasard. Ah, ça prend de haut la téloche, mais. Les auteurs. Non, mais pardon, on s'excuse platement. Belle perf. Un dessinateur de bande dessinée occulte le souvenir de son père décédé. Cependant, il peut pas s'empêcher d'en faire le personnage de ses albums. Refusant la paternité et la vie de famille, il n'a des aventures qu'avec des femmes mariées. Comment s'appelle-t-il? J'ai pas le nom du gars. Mais c'est l'animateur joue ce héros. Patrice Carmouze. Non, ça c'est Tekken 2. T'as raison. T'as raison. Mais t'as raison. Je vais le voir. Ouais. Alors attends. Philippe Dana. Non. Ah. Oh. Mais pareil, on est sur plusieurs générations. Philippe Dana, voix très rassurante pour moi. C'est vrai. Oui, bah oui, sûr. C'était sa cartoon. Le pote à Bugs Bunny déjà. Donc. Ouais, voilà. En plus. De base. Déjà. Alors, c'était un animateur pur et dur. Pur et dur. Ok. Qui est encore en train d'officier. De jeu. Oh, Drucker, putain. Entre autres. De jeu. Attends, il joue. Ah non, de jeu. Non, il est pas pro au casino. Peut-être, mais. Jean-Luc Reichmann. Pas Jean-Luc Reichmann, mais on est vraiment pas loin. Attends, de jeu. Nagui. Ah, une ouais. Femme très très amoureuse avec Nagui. Wow. Un film des années 90 qui a pas cartonné de ouf, mais voilà, qui est sorti au cinéma. Ah, ouais, je connais pas du c'est quand même culte. C'est totalement culte. Un agent secret, Sam, officiellement prothésiste dentaire dans la banlieue de Rouen, rencontre Guy, nigo sympathique, vedette d'une émission de téléachat. Ah, là, alors là, on cherche qui? On cherche, Guy, le nigo sympathique, vedette d'une émission de téléachat. Et alors, le mec, il est animateur télé. Ouais, et il joue un animateur de téléachat. Ah bah, pas mal animateur en termes de casting. Ah, il est animateur de téléachat. Vedette d'une émission de téléachat, il l'anime. Ah, ouais. Ah, d'accord. Alors. Tiens, alors, de Deniso, c'est Deniso. Non, c'est pas Deniso. pareil, on est sur. Un mec qui officie toujours aujourd'hui. Alors, pas aujourd'hui, mais il y a encore très récemment, il le faisait. Il le faisait. Il est mort. Non, mais très grande vedette. Il était animateur principal. Animateur principal. Grande vedette. Qui a fait des jeux contre. Sabatier? Pas Sabatier, un peu plus récent. C'est pour l'émission de Sabatier. Dire, non, je non. Hanouna. Pas Hanouna, un peu avant. Mais on est sur le. Olivier Mine. Non, mais on est sur l'impact similaire. Lafont. Pas Lafont. C'est quelqu'un qui aussi a fait un peu tartes, de scène. Qui a un one-man show. Ah, je l'ai, je sais. Oui, Thierry Beccaro. Non. Ah, vois, joli. J'étais convaincu de ma réponse. Non, mais. Non, c'est plutôt quelqu'un de la Une. Même si récemment il a changé de crèmerie. Mais c'était quelqu'un Patrick de la Sébastien. Non. Ah je sais, le mec qui présentait Vidéo Gag. Non, pas Bernard Montiel. Ah, non, Montiel. Non. Attends, il a une autre identité secrète. Ah, c'est Lagaffe. C'est Lagaffe. Ouais, Vincent Lagaffe, c'est le Baltringue. Ah, mais oui, le Baltringue. Mais bien sûr, le Baltringue. Le Baltringue. Ah, la vache. Attends, ça c'est le pitch du Baltringue. Ouais, c'est le pitch du Baltringue. D'accord. Voilà. Ok. Et enfin, un petit dernier. Allez, vas-y. Bon, il y avait juste pour passer aux questions, pour pas vous mettre en retard, mais il y avait aussi Thème de Patrick Sébastien. Oui, Thème, oui. Bien sûr. Mais vous l'auriez trouvé, je suis sûr, très vite. Le dernier, c'est Monique Zimmer est accusée d'avoir assassiné son amant Oscar Foulard et l'avoir découpé à la meuleuse à béton pour mettre son tronc dans une valise. Le film raconte les mésaventures du cadavre sans bras ni jambes qui s'accroche à la vie et pense toujours à forniquer malgré son état. Attends, j'ai l'impression qu'on en a parlé il y a pas longtemps. C'est un film de Dupieux, ça. Ouais. Non. Ouais, encore une fois. Non. Alors attends. Sachant que quand il vit dans une valise, il ouvre la valise avec sa bite. Non mais attends, on en a parlé il y a très peu de temps. Dans le dernier podcast, on en a un peu parlé. Film des années 90. Carl Zero. Mais c'est réalisé par Carl Zero. C'est ça, oui. Voilà, ouais, c'est le tronc. Ah, putain, ok. Et donc l'acteur, on cherche un animateur. Alors c'est pas un acteur, parce c'est Antoine Decaune. Il n'est qu'une voix. Non. Ah. Je vous ai pas fait de piège, genre Antoine Decaune, Virginie Efira. C'est pas Reichmann. C'est Jean-Luc Reichmann. Ah putain, c'est ça. Jean-Luc Reichmann joue le tronc dans la valise. Et encore une fois, la boucle est bouclée. Mais tu sais que c'est dans février cette émission. C'est scripté. Malgré son apparence un peu bonhomme, c'est une émission très préparée. Bien sûr, bien sûr. On dirait que c'est foutraque, mais c'est au poil du cul. J'ai prévenu les auditeurs que vous étiez invités. J'avais un petit jeu, je le garderai pour la prochaine fois que vous veniez sur Very Bad Blague ou pas Very Bad Blague. Ah, vas-y, on est rapide. On aime jouer. On est joueurs. les joueurs. En plus, des jeux, ça parle de jeux, le mais football. Ensuite... Bah oui, oh là là. Putain, c'est le moment. Non, mais c'est poil de cul. Ça, cette discussion, elle était prévue, en fait. Mais moi, je n'ai rien vu. Moi, je n'y ai vu que. Je vais vous dire des titres de Very Bad Blague, voir si vous vous souvenez bien. Bien vous sûr. Vous me dites si c'est des vrais Very Bad Blague ou pas. Parce que vous en avez fait combien? 187 ouais, 200, je crois. Oui, parce qu'il y a les Very Bad Blague dans les émissions d'après aussi. Oui, je sais pas si ça compte dans le. Vas-y, je suis sûr qu'on va y arriver. Quand on passe une journée de merde. Oui, avec Julien Pestel. Et Julien Pestel en personnage principal. Quand on est en enfer. Oui. Alors, quand on est pas vraiment. Quand on est le diable. Quand on est le diable. C'est ça, quand on est Satan. Quand on est Satan. Voilà, pas vraiment. Okay. Quand on est au paradis. Oui, avec Norman. C'est ça. Et il y a aussi quand on est Dieu. Là, pour le coup, vous avez fait les deux. Oui, c'est ça. C'est vrai. Quand on est antisémite. Oui. Oui. Mais c'est que on l'a que pour nous. Non, évidemment non. Bien sûr que non. Quand on prend le premier petit déj. Oui. Bien joué. Quand on est ruiné. Oui. Quand on se plaint du bruit. Non. Pas mal. Ça, t'aurais pu le faire, ça, celui-là. De quoi? Ah oui, bah moi je suis une merde. Oh, ça va maintenant à côté, vous arrêtez. Une vignette. On a Gaspard. Alors, j'ai du bruit. Et alors Deuxième vignette. Gaspard et Balthazar, un hommage au roi mage ou pas du tout? Pas du tout. Non. Un hasard pur. Un hasard pur, ouais, exactement. La question a été posée. Très beaucoup de cathos, hein, nous, dans nos auditeurs. Ouais, vous voulez vraiment être sûr de faire des questions. Nous, c'est open. C'est tout le monde. Vous avez souillé la Bible. D'après eux. Quand on est enceinte. Oui. Oui. Quand on annonce qu'on est enceinte. Oui. Quand on avorte. Non. Avorter, non. On t'a refusé, apparemment. Quand on change un bébé. J'avais écrit la moitié du sketch. Quand on change un bébé. Oui. Quand on fait la guerre. Non. Quand j'ai été surpris. C'est Max et Léon. Bah, vous l'avez gardé pour Max et Léon, en fait. On a fait quand on fait un conseil de guerre. Oui, et il y avait quand il y a Napoléon. Napoléon et Stélie Semoun, ouais. Ça. Quand on rencontre un zombie. Oui. Quand on sonne chez le voisin. Oui. Donc voilà, pas de plein du bruit, mais sonner chez le voisin, c'est par vrai, contre, ça on fait. Quand on fait un foot. Non. Ah. Non, c'est non, pas mais on a foot, fait, c'est gardien de but. Bien joué. On a eu, je crois que c'est nos pires sketchs. Tous ceux qui sont sur le foot, touche au foot, ça a toujours été nul. Mais de loin. La grande règle, c'est que c'est horrible à filmer de toute façon, quoi qu'il arrive. Exactement. Il n'y a pas vraiment de bons films sur le foot. À part Didier. Enfin, c'est pas sur le foot, c'est en toile de fond. Ouais, c'est en toile de fond. Voilà. C'est sous-texte. C'est en flux tendu de toute façon. Mais un de ces quatre, faudra qu'on fasse un truc où on revoit ces vieux sketchs parce qu'on les a pas revus depuis très longtemps. Mais sur Twitch. Vous faites ça sur Twitch, regardez, calmez-vous. Venez sur ma chaîne Twitch. Jonathan, vous faites gagner des places de cinéma pour votre film. Mais d'ailleurs, t'as des chaînes Twitch et faites des TikTok. Ouais, moi j'ai une chaîne Twitch, mais vous êtes sur Twitch la semaine prochaine. Oui, on a Popcorn. Tout taf. Ah, vous faites Popcorn. Tout taf. Ah, mais chez tout, j'y étais hier à Popcorn. Je suis paumé. Moi je sais qu'on a un Twitch, mais je sais pas. Tous les médias passent par Adrien. Ouais, je suis un peu chapote, un peu tout là. Non. Tu as le chapoteur. Olivier Chapoteau. Oh là là. Celle-là, c'est une de mes préférées de la journée. Quand on vend des baskets. Oui. Quand on va à une soirée. Oui. Quand on va à une soirée mais qui est nulle. Oui. Bien sûr. Quand on va à une soirée qu'on croit qu'est nulle mais en fait ça va. Non. Quand on va aux putes. Oui. Non. Alors, petite. C'est pas pute. Ouais. J'ai aimé la petite. Voilà, il y a un truc. C'est celui en noir et blanc. Moi je suis scolaire. Quand on va aux putes, on l'a pas fait. On a fait un skate. Oui, je me rappelle très bien. Il y a une petite pudeur. C'est quand on va aux trois petits points. Voilà. Et c'était dans un style effectivement un peu différent. C'est un style années 20, je crois. Exactement. Quand on va voir les filles. Ouais. Les filles. Les demoiselles. Voilà, bah voilà. Vous connaissez encore très très bien tous vos sketchs. Non, mais pas mal. 200, toi, vous auriez pu vous planter. Ouais, bravo. Planté quelques fois, mais j'ai l'impression que l'honneur est sauf. Donc, avant de vous quitter, et vraiment, à un moment, vous me dites ciao, parce qu'il est 10h29. Donc voilà, tout va bien. Parfait. Est-ce qu'en voyant des séries comme La Flamme, vous vous êtes dit que vous pourriez faire une série autour de. Oui, bah, c'est pas moi qui demande. Oui. Vous pourriez faire une série au lieu d'un film de comédie. Oui, alors pour être très honnête, même avec David, on regardait Koh-Lanta, et on se disait, putain, mais en fait. Ça serait marrant de faire une série Koh-Lanta. Vraiment faire une série comique avec des personnages récurrents. Toutes les semaines, on les retrouve. On a écrit donc, on s'est appelé, on a tout écrit. On a écrit une bible de personnages et tout. On a une bible de personnages, Sinopsis. Et à ce moment-là, on a, et on a appris que les mecs de La Flamme ont fait La Flamme 2 sur ce thème-là. Donc, on l'a eu un peu dans le cul. Et on s'est dit que de toute façon, ils avaient le vent en poupe et que c'était lancé. Ouais. Donc, on a un peu rongé notre frein 3-4 jours. Et après, on s'est dit, bon, pas grave. 3-4 semaines même, je vois. C'était bien, mais ça a été vite été, ça a vite été oublié. On se dit que c'était une idée qui était dans l'air du temps. Ouais. Après, faut rendre à La Flamme ce qui appartient à La Flamme. C'est eux qui ont lancé ce genre de truc. Ouais. Et puis en plus le flambeau, vraiment quand on a su le titre, ah putain. Titre est vraiment bien. Je pense que le nôtre était pas mal non plus, histoire d'être un peu de mauvaise foi et un peu aigri. C'était Le Totem. Oui, pas mal. Ah oui, non, ça pas se mal. Vaut, ça, mal. Ouais, ouais, ça se vaut ouais. Très bien. Mais bon, on a vite lâché l'affaire. Mais faire une série comique, pas comme les vedettes, mais en tout cas, disons plus. Parce que là, c'est vraiment de la parodie pure. Oui, bien sûr. Faire un oui. truc un peu plus traditionnel, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Bah, ou... Ouais, ça nous brancherait. Bien sûr. Mais c'est que quand on a des idées, soit ça fait un sketch, et soit, très rarement, ça fait un film. Ouais. On n'a pas encore l'esprit série. Pour moi, je suis un peu pareil. Est-ce que vous avez un truc de vous dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre autant de temps? De prendre ouais. 10 ans, ouais. Ouais. Exactement. C'est beaucoup, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. D'accord. Quelqu'un dit, j'ai un très bon souvenir de vos sketchs Combini Remakers. Ah ouais, un dîner français presque français, oui. Presque parfait. Ouais. Two ouais. Guys One Girl, Cuisine TV, Shit TV. Oui. Ils sont introuvables depuis longtemps sur le web. Possible de les remettre en ligne? Je crois que c'est des questions de droit, non? Avec Combini, je crois que ça leur appartient. À l'époque, on n'était pas très fort en termes juridiques et je pense qu'on a signé un contrat sur 60 ans. Non, mais en plus, pour ouais, de vrai, pour être honnête, on a fait ça aussi nous avec Adrien. Ouais. Pour de vrai, je crois que c'est Combini qui a le droit de ça. Ouais, ça leur appartient à vie. Mais c'est peut-être pas mal, enfin, vu que ça a 11 ans. Ah ouais, il y a des choses comme ça, c'est bien de les laisser loin. C'est pas si grave. En tout cas, on s'était beaucoup amusé à les tourner. J'imagine. Vous avez quel âge à ce moment-là? Bah, c'était en 2008 ou 2009, donc c'était il y a 12 ou 13 ans ah, déjà. Quand même. Ouais. Putain. Ouais. Comme tu ça dis. Ne nous rajeunit pas. Tout à fait. Quelles sont les erreurs que vous avez voulu éviter en refaisant le film avec l'espérance gagnée par la folle histoire de Max Ellon? Alors, erreur ou peut-être truc un peu fat où vous êtes dit on va peut-être s'éviter ça, ou peut-être ça on l'a déjà fait, on veut aller à autre chose, pas forcément eh ben, des erreurs. Mais je crois que la nouveauté c'est les personnages, exactement, ouais. C'est de les faire antagonistes dès le départ. D'accord. Dans Max et Léon on est potes dès le début, dans tous nos sketchs on est colocs, copains, cousins, frères, ouais. Ça nous évitait l'écueil de comment se sont-ils rencontrés, on faisait ça tout de suite. Mais justement, je pense que c'était ce qu'on disait tout à l'heure. On voulait que nos personnages soient beaucoup plus costauds que dans Max et Léon. Donc l'écriture, on s'est vraiment reposé sur l'écriture. Il fallait que ce soit plus dense, enfin que nos personnages aient plus de choses à raconter. On voulait faire une vraie histoire d'amitié, parce que finalement, on dit que Max et Léon est une histoire d'amitié, mais on était un peu pudique sur les relations des personnages. Et là, je crois qu'on a un peu dépassé ça. Et puis il y avait beaucoup, enfin c'est aussi l'ambition du film, il y avait beaucoup de personnages. Enfin, vous essayez de vous servir vachement bien de tous les guests. Ouais. Il y avait, enfin, comme les grands films de guerre d'époque, en fait. Mais là, on voulait que ce soit sur notre gueule, total. Bonjour à tous, j'étais présent lors d'une de vos avant-premières à Orléans. Bien, ah ça oui. me tient à préciser. Ouais, ouais. J'ai pas pu vous poser ma question, qui était, après avoir tourné avec Quentin Dupieux sous forme de duo, en tant que personnage principal de Mandibule, est-ce que vous pourriez tourner dans d'autres films en duo avec d'autres réalisateurs, ou en tout cas des films dont vous n'êtes pas à l'origine du scénario? Dépend du projet, en fait. Vous l'avez fait chez Chabat aussi, dans son Ouais, bien compagnie. Sûr, c'est pour ça. Ah oui, dans l'idée, oui, j'ai pas trop de réponse à ça plus que ma réponse. C'est mais toujours pareil, ça dépend vraiment du scénario, pour le coup. Ouais. Et d'ailleurs, sur Mandibule, parce que c'est des personnages qui peuvent faire penser un peu à ce que vous aviez fait, genre dans quand on développe une appli, une startup, c'est vous qui êtes venu avec cette proposition-là à Dupieux, ou c'est lui? C'est qui... lui. Ouais, c'est lui. Ouais, vous connaissez ouais. ce sketch Chez Quentin Dupieux, c'est vraiment. On est au service de son univers. Donc c'est vraiment lui qui avait ça en tête. Je crois que c'est ce qui a vraiment inspiré ces personnages. Bah, depuis Au Poste, il m'appelait Get pendant Au Poste. Oui. Parce qu'il y en a un dans ce sketch-là, dans la start-up. Oui, get. C'était que marre d'ailleurs. Réplique à la con. et du coup, sur le tournage, ça a pris. Il m'appelait Get parce que le sketch-là lui avait plu. Et puis voilà, après on se rencontre, il a vu notre prime. Ce soir, c'est pas le macho. Et on a fait une petite... Il y a un petit passage sur... la télé-réalité où on s'embrouille sur du Nutella. Oui. Et voilà, il a dit que tiens, c'est une énergie comme ça, si je l'associe avec l'esprit de vos personnages de la start-up et tout. Ouais. Et il nous a, en une semaine, il nous a, enfin en un mois, il nous a proposé un scénario après, quoi. D'accord. Bon, trop bien. Bonsoir, David et Grégoire. Vous avez parfois touché à la musique. Oui, c'est important. Visiblement, il l'a écrit le soir. Vous avez parfois touché à la musique, même pas mal de fois dans vos sketchs. Est-ce que vous pourriez vous lancer dans un album, ou en tout cas faire un peu comme Mickaël Youn avec Fatal Bazooka, à savoir lancer un duo de personnages? Non, pas du tout. Non, c'est pas notre truc. Enfin, on préfère. Faut que ça reste un amusement. C'est Je sais pas, je crois qu'on préfère faire des musiques et les mettre ensuite sur YouTube. On essaye de mettre les musiques sur Spotify quand même, parce que ça, on nous le réclame pas mal. Oui, moi j'avais un DVD où il y avait un code où tu pouvais télécharger les chansons. Oui, t'as raison. Ouais, il y avait un truc Exactement, comme ça. Exactement, putain. Mais c'est encore des questions de droit pour les mettre sur Spotify, mais je crois qu'on est en train de s'en sortir. On est en train de s'en sortir, mais surtout, non, de là à se dire, allez, on va faire tourner, un album. Pour de vrai, premier degré. Un truc marrant, hein, c'est ça qui veut le. Oui, c'est ça. Un concept pour le coup un peu market et tout qu'on a pas. Okay. Ouais. Mais je dois faire une petite question. Oh là là. Non, je t'en conjure. Non, mais pas du coup pas un album, mais peut-être un film comme le film de Lonely Island, là, Popstar, je sais, ouais, un ah, truc c'est dans génial. Ce ça serait plus marrant de faire un film sur ouais, ça. Ouais, avec, mais du coup, il y aurait des, un film une avec musicale, un univers musical. Tout à fait, une comédie musicale. Ça se rapprocherait plus à un désir de comédie musicale, effectivement, plutôt que de créer nous-mêmes une succession de chansons, même parodique ou pas. Je crois que ça, c'est pas notre truc. Ouais. Et d'ailleurs, là, quelqu'un demande aussi, est-ce que tu as pris des cours de chant pour le film ? Non, non, non, j'ai pas pris de cours de chant. J'ai été en fait agréablement et professionnellement aidé par le personnage d'Adrien pendant les chansons. D'ailleurs, je te dis gentiment de fermer ta gueule dans le, j'adore dans le film. J'adore ce moment. Et le petit toc-toc sur aucun, le piano d'Adrien Méniel. Aucun, aucun, aucun cours. Avec la réaction, parfait. Fallait que ce soit brut, fallait que ce soit nature. Bah oui, il y a de très belles chansons. Il y a un vrai hommage à la chanson française, ce film. On a quand même, sans spoiler encore une fois, mais il y a des grands noms. Hommage à la variété française. Hommage à la variété française. La variété. Ça fait plaisir. Je trouve qu'en France, on le fait un peu moins que les ricains qui le font tout le temps. Oui. Et ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai eu un gros fou rire sur la première fois que tu chantes dans le public. Ah oui, oui, bien sûr. Ça, c'est, bah, je crois qu'elle est dans la bonne annonce. Elle est dans la bonne annonce. Et non, c'est vraiment, ça, ça m'a fait très plaisir. Et moi, j'ai toujours ma petite playlist Spotify, Les Vedettes, avec les chansons que je vais devoir chanter. Et ah tout, oui, oui, oui. Non, mais quand je prenais mon chien, je les écoutais, bah, pour. Voilà, ouais, bah, sûr. J'avais un peu. J'ai même. Quand j'avais fait putain. Non, j'avais fait ma vidéo récap de l'année 2020. Ouais. Oui. Et on voit une seconde où il y a un karaoké de Désir Désir. Ah oui, peut-être. Oui, oui, parce que j'étais chez moi. Mon premier, c'est Désir. Exactement, à m'entraîner à chanter parce que. Elle était pas si simple à chanter, Désir. Non, galère, non, bien galère. Est-ce que vous kiffez autant faire des sketchs? Je suis débrouillé comme un chef. Bah, t'es un génie. Est-ce que vous kiffez autant faire des sketchs? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer? Alors, on a déjà un peu répondu parce que. Vous voulez refaire, enfin vous retravaillez sur un prime, donc vous allez continuer. En fait, c'est hyper différent. C'est tellement différent, c'est pour ça qu'on aime bien passer de l'un à l'autre, quoi. Là, le film, ça prend du temps, tu développes des personnes. Là, quand on fait des sketchs, c'est hyper impulsif. Dès qu'on a une idée, on se dit, ah tiens, super, on fait un sketch. Vous avez reposté d'ailleurs là sur YouTube récemment. Oui, hier soir. Il y en a un autre vendredi et un autre le jour de la sortie. Trop bien. Donc. Pour les gens, c'est dans le passé vous déjà. Parce qu'il sort lundi. Vous aussi, sort c'est lundi, quand même au poil de cul, j'ai l'impression. Ouais, la vous faites genre, on connaît pas Twitch et les TikTok. J'ai l'impression que vous connaissez bien le game quand même. C'est papier à musique. C'est Poulpe qui m'a envoyé ce matin un texto. Il m'a dit, dis donc, vous êtes des youtubeurs, vous. Je lui ai dit qu'on était de sacrés uploaders. Oui, c'est vrai que vous uploadez à tout va en fait. Ouais, là, il a uploadé pendant l'émission, j'ai vu un truc. Une petite image, rien, mais non, quand même. Mais il l'a fait. Mais il l'a fait. Question pour le Palmacho, comment on fait pour ne pas succomber? Alors, comment on fait? Moi, la question, elle est un peu. Différente, c'est est-ce que vous a proposé plutôt des trucs un peu débiles mais peut-être très rentables? Est-ce que des fois vous avez été à deux doigts de craquer? On nous a proposé des trucs mais on a jamais craqué. Ouais. Non, jamais. Un truc dans lequel j'ai joué. Non, je veux pas. On peut le couper. Non, mais on peut le couper. Non, True Story, on vous a proposé. Ah oui, on nous a proposé True Story. Ah oui, et vous avez refusé. Et ouais. D'accord. C'était pas notre ligne éditoriale. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs trucs comme ça où c'est dans la tête de la personne en face, c'était sûr qu'on allait dire oui. Dites combien ils vous proposent. Non, mais c'est des trucs où pas en plus. En vrai, il y a des gens qui sont très doués à ça et d'autres pas du tout. Enfin, c'est surtout un exercice. Ça, en fait, si on dit non pour ça, c'est parce que c'est un exercice qu'on maîtrise pas. Ouais. Et que si c'est pour y aller à reculons et que les gens qui sont devant nous fassent. Aïe, aïe, aïe. Un endroit les cons. C'était pas comme ça. Non, mais je pense que vous auriez pu le faire. C'est pas non plus. Bah, on aurait là, pu, vous êtes mais sympa, on, mais ça enfin, nous faisait, même, je vais te raconter une anecdote. Mais ça nous faisait capable. Pas marrer. Oui, voilà, c'est ça. Plus ah non, ça je crois que. Que c'était carrément présenté en fait. Présenter le truc. Ah, c'était présenté tout le truc. Ah oui, c'était pas raconter une anecdote. Non, c'est bien présentateur dans ce truc. Bah, les youtubeurs, mon pote. Regardez. Ouais. Bah oui, mais c'est. Ah oui, oui, oui, pour. Bah oui. Ah ouais, c'était pas. Ah oh, je crois que c'est un topé. Ok, ouais, non mais. Oula. Oula. Oh, Didi. De finesse, du coup. Bah, bien sûr. Comment s'est passée la transition de YouTube au cinéma? Est-ce que c'est facile d'être financé et d'être pris au sérieux en venant d'Internet? Grave. Ou est-ce qu'on est un peu moqué? Moi, de mon expérience perso, grave. Quand tu fais un casting et qu'ils te labellisent YouTubeur, grave, c'est hyper facile. Quoi. Cela dit, vous avez fait beaucoup de télévision. Mais nous, c'est-à-dire qu'on vous dit Internet, mais on a commencé sur Dailymotion. On n'a pas commencé sur YouTube. Nos vidéos qu'on faisait pour la télé ont fini sur YouTube. Oui, c'est ça. Mais on n'était pas sur YouTube. Oui, vous n'avez pas l'étiquette. Comme tu disais, c'était avant que le terme youtubeur existe. Oui, exactement. Et vous étiez à la télé beaucoup. En fait, c'est les gens qui ont des fois des biais de. Parce que Very Bad Blague, on a l'impression que c'était sur YouTube, que vous diffusiez beaucoup sur YouTube, mais en fait, c'était pour. C'était rebasculé sur YouTube, mais à la replay, en fait. YouTube était le replay de Direct. Exactement. C'est ça. Moi, on nous disait pareil sur Bloqué, alors qu'en vrai, ça, c'était le petit journal. Tout le monde a oublié que c'était au petit journal. Mais en vrai, c'était. Et même Bref, à l'époque. Ouais, c'était dans le grand journal. Ouais, mais ça cartonnait. grâce à YouTube parce que c'était diffusé. C'était pas YouTube à l'époque, c'était le player de Canal. C'est sûr. C'était la grosse bagarre de Kian et Navo qui avait envie de crever parce qu'ils voulaient le mettre sur YouTube et Canal disait. Notre player plutôt. Ouais. Mais non, MyCanal c'est top. Il y a 3 minutes de pub et l'épisode fait 1 minute. On va quand même. Genre t'allais sur canalplus.fr, genre un truc comme ça. Mais oui, pour revenir à ta question, quand tu fais de la télé et qu'après tu fais du cinéma, le cinéma est quand même vachement financé par la télé. Bah oui, c'est ça. Donc quand t'as fait de la télé, c'est peut-être un peu plus facile d'arriver avec un scénar. Bon, enfin, vous avez quand même galéré, vous avez quand même fait guillemets que deux films, enfin voilà, alors que ça fait longtemps que vous êtes là. Mais nous on prend notre temps, on est bien à ce rythme-là, nous convient parfaitement. Je me souviens, le premier, vous racontiez, vous avez beaucoup travaillé le scénar. On a mis 3-4 ans, je crois, pour le faire. Ouais. À peu près, exactement. Deux potes, quoi. Et là, on a mis 5 ans, tu me diras. C'est pareil. Oui, bah on remettra le temps, on remettra. Mais vous êtes bouffé aussi le confinement, la sortie. Ça doit être kiffant là quand même de enfin le sortir. Parce qu'il devait sortir, je crois, en 2020. Le 28 avril de l'année dernière. 2020. Ouais. Oh, putain, oui, d'accord. Non, 2021, pardon. 21. Oui, 2021. Ouais, exactement. C'est ça. Oui, parce que vous l'avez écrit en partie pendant le confinement. Non, c'est on pas l'a ça. Dialogué pendant le confinement. Ouais, on l'a fini à ce moment-là. On l'a tourné en l'été 2020. Ça devait sortir en avril et puis à cause des événements qu'on connaît, on sort là. Mais allez, ça sort, on est content. Mais oui. Et il faut aller au cinéma, même s'il n'y a pas de popcorn et de Kit Kat Balls. On peut être optimiste un peu. Il y a du popcorn la semaine prochaine. Twitch. Faisons de la promo pour une émission qui marche mieux que nous. Ah, ça va. Attends, c'est sport, ça. Moi j'aime bien. Maintenant. C'est vrai que t'es à la maison popcorn. Moi j'ai un pied. T'es dans les NFT un petit peu. On en parlera la semaine prochaine. Les gars, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. C'était trop cool. Donc Les Vedettes, ça sort au cinéma. Alors attention parce que même la semaine dernière, on s'est planté. On a dit l'ancienne date. Donc ça sort bien le 9 février. Ouais, de toute façon, quand l'épisode sort, si vous l'écoutez dans les premiers jours, c'est au cinéma mercredi. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est même peut-être déjà au cinéma. Dans deux jours. Bah bien. Calcul très rapide. Et donc c'est avec vous deux. Est-ce qu'on peut dire aussi les autres gens qui avec adorent, plaisir. Julien Pestel, national. Bien Julien sûr. Pestel, Damien Gillard, Adrien Méniel, Juliette Plumecoq, Gaël Lebert, Théo Gross, Olivier Martin Salvan, Cécile Domingon et j'en passe. Et certainement des meilleurs. Damien Gillard est très très drôle dans le film. Qui joue l'animateur. Tout à qui fait. Est un peu un mélange. Enfin, vous êtes pas précis sur un. Non. Il y a un peu mélange de plein d'animateurs télé. On a fait un petit mix. Ouais. Un petit mix. Il m'avait fait beaucoup rire sur le tournage. Il est super incroyable. Il est devenu animateur. Ouais. Vraiment. Il est rentré dans le personnage, c'était incroyable. Fun. Ah, il était super. Bah les gars, merci beaucoup. Merci à vous. Il y a aussi Mandibule qui est sur MyCanal, j'ai vu, voilà. Donc ah, je le place. Trop bien. Eh ben, je l'ai pas vu, je vais me le regarder. Ah, bah, Pépouze. Ah, putain, voilà, c'est bon là. Pépouze. Ce soir, je me fais des gaufres et je me. Et vous êtes dans le prochain, alors pas le prochain parce qu'il en fait beaucoup, le prochain du cuir. Oui, on a tourné avec lui. Fumé fait tousser. Ouais. Fumé fait tousser. Et est-ce que, parce que dans le dernier, vous avez été très cool avec nous, vous avez donné une petite exclue, vous avez donné les noms des héros des vedettes en exclu. Ah, la oui. dernière fois que vous étiez venu. Daniel Stéphane, ouais. Ouais, vous nous l'aviez dit. Ouais. Est-ce que vous bossez déjà sur le prochain film? On aimerait bien avoir une idée, mais là on ne l'a pas encore. Ah, on se consacre au sketch. Okay. On voulait prendre une exclue, un truc. Mais l'exclue, c'est qu'on n'est pas contre écrire un troisième film rapidement. Très bien. Donc, pas une exclue de ouf, mais. Si vous pouvez juste mettre le prénom Adrien. L'appel est lancé. il y aura le prénom Adrien dans le film, c'est voilà, pas voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Adri, peut-être même. Adri, ouais. Oh, magnifique. Adrien. Toi, entre Partouzeur Méniel, hein, ça peut. Partouzeur 1. Ah, attends. Parce que Partouzeur Méniel, c'est le classique de Partouzeur Méniel. Voilà, parce que Partouzeur Méniel, c'est un perso, c'est peut-être l'idée du film aussi. Enfin, c'est voilà, peut-être. À voir. Et le fait qu'il s'appelle Méniel peut être. Enfin, tu vois, ça peut être. Peut-être moi qui joue dedans. T'as niflé un petit peu dans le micro, tu crois, attention. Ouais, on te retrouve où, Adrien, toi aussi. Donc, t'as fait Popcorn qui est en replay. Alors, c'est payant les replays de Domingo. Non, mais c'est. Non. C'est dans l'immédiat, c'est réservé aux abonnés sur Twitch et après c'est sur YouTube. Ah, donc là, quand les gens écoutent, potentiellement c'est sur YouTube. Sûrement, certainement. D'accord, très bien. Bon, après, je suis pas au courant forcément des ficelles, mais il me semble que c'est ça. Ouais. Sinon, comme d'hab, hein, là, le sketch show de Mr. V là, qui va sortir bientôt, je pense, février. Février. On a travaillé sur le sketch show de Mr. V super. Sur Canal. Ah, des sketchs, pour Canal écrit. Ouais, ouais, génial. Ouais. Des sketchs, et puis je joue dedans aussi. Et puis. Trop bien. Et puis. Oui, t'as fait une apparition tant récemment. Ouais. Ah, Visitors. Mais oui, tout à fait. Visitors. Ouais, sur les trois. Bah oui, c'est un petit milieu. C'est un petit bisou. C'est un village. Le showbiz français, c'est un village. Un petit bisou à Simon quand même. Ah, Simono. Mais bah d'ailleurs, il est venu. T'as la date ou toujours pas? Toujours pas, bien sûr. D'accord, non plus. Aucune date. Non, aucune date. Zéro date. Pas de date. Très bien. Et bah, Derby Girl saison 2 aussi qui va, voilà, qui va sortir. Toujours pas de date, bien sûr. Hein, les projets sur lesquels je travaille, vraiment. Non datés. Mais pas précis. Il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Ouais, ouais. Et puis, bon, c'est bien. Déjà pas mal. Et pour ma part, bah, le spectacle de Baptiste Le Caplain, que j'ai eu la chance de coécrire, qui fait partout en France et qui fait à Paris en octobre. Oui. Et évidemment, le sketch show de Mister V sur lequel j'ai travaillé aussi. Et puis voilà. Et puis toujours la flamme en replay, tout ça, machin. Allez. Merci les gars. Bah, merci à vous. Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Allez, wow. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Da da da da.